Donc bonsoir, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vois une Bible ici. Vous pouvez prendre cette Bible ici pour prêcher. Il y a des Bibles ici. Je ne sais pas si quelqu'un m'a donné une Bible. Celle-ci, c'est. Ça? Ça, c'est Darby. Bon. Il peut utiliser l'une des Bibles là, ouais. Voilà. Comment vous allez, frère? Réécoutez l'enseignement. La détresse arrive. Réécoutez cela, d'accord? La détresse arrive. Réécoutez cela. Et le message au président. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et il y a une fois, il avait parlé du message pour Israël et pour le Cameroun. Réécoutez ces choses-là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, une fois, je vous avais dit ici que Vladimir Poutine sera attaqué. Il avait dit ça, pas vrai? Il avait dit que il sera attaqué, mais on ne doit pas l'atteindre. J'avais dit ça, n'est-ce pas? Mais qu'au sorti de cela, j'avais dit d'abord que qu'est-ce qu'il fait dans le monde des ténèbres? De quelqu'un d'entrer et ressortir. Qui sera attaqué, et, mais on ne doit pas l'atteindre. Mais après cela, son blason sera haussé sur le plan intérieur. Frère, nous nous dirigeons vers la fin. Donc il y a un chaos qui se prépare. Et il y a une fois ici, j'avais dit, une fois ici, j'avais parlé je vois les policiers dans la rue. Je regarde, il y a la boue au sol. Que ces choses se passent, je regarde, parce que j'ai vu les pieds, il y a la boue au sol comme ça. N'est-ce pas? Puis j'avais dit encore, je suis en train de citer certaines choses. Pourquoi vous les pigez? Il y a des choses qu'il peut dire clairement. Mais s'il dit clairement, certains d'entre vous. Maintenant, ce que je vais dire, concernant ce que j'avais vu une de ces fois-là, j'avais dit que on était comme dans un désert, il y avait un grand lion qui se dressait contre nous. Nous avions plutôt les spiers, quelque chose comme ça là. Les lances. Et avec ça, vous pouvez quoi contre le lion. On faisait comme ça. Et j'ai remarqué que le lion effrayait beaucoup les gens se dispersent. Et quand j'ai compris ça, je me suis tourné vers ceux qui sont derrière moi. Il dit que faites attention, ne vous dispersez, dressez-vous derrière moi. Et quand il donnait cet ordre-là, quelque chose m'est venu avec lequel vous me tenez contre le lion. Et j'ai dit, écoutez bien ce que ça veut dire. Si quelqu'un quitte, je ne suis pas responsable de son âme. Je vais avancer maintenant là. Si quelqu'un quitte, je ne suis pas responsable de son âme. Je suis, il dit, vous devez savoir qui vous servez. Souvenez-vous que la Bible déclare que ne parle même pas du roi parce que l'oiseau ailé peut aller te dénoncer. Vous savez ça, frère? Donc faites attention à ce que vous parlez dans vos maisons. Vous serez surpris. Psaume 50, où la Bible l'a déjà. Permettez-moi de lire cela et puis j'avance là. C'est seulement pour donner des avertissements parce que. Parce qu'il parle chaque fois, on ne sait pas. S'il commence à tuer, il tue, maintenant, il vient se mordre, il doit manger le contre. MSO. Tu comprends où le somme se trouve. Ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ta Bible, ce n'est pas ta Bible. Il dit quel livre aime déjà. Donc, fais attention. Somme 50, il dit, je ne sais pas où ça va nous amener là-bas. Somme 50. Toi à qui j'avais parlé, tu t'es assis ici le jour-là, j'avais parlé et puis je suis parti. Quand tu es rentré, tu as pensé, tu as compris ce qu'il disait. Psaume 50, verset 7 et suivant. Et puis on va s'arrêter au verset 22, jusqu'au verset dernier là. Dans le psaume 50, verset 7 et suivant. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Remplacez holocauste par jeûne. Remplacez holocauste par prière. Élisée, tes prières sont devant moi. Donc Dieu dit qu'il ne fait pas de reproches pour ta prière. Il ne fait pas de reproches pour tes choses. Parce que si vous faites quelque chose de bien, si vous faites de bonnes œuvres, vous faites également de mauvaises. De la même façon comme il va vous justifier sur les bonnes œuvres, il va également vous juger sur les mauvaises. Dieu ne peut pas faire comme si tu n'avais rien fait. si les mauvaises œuvres ne sont pas réglées de la façon dont sa parole règle. C'est, n'est-ce pas? N'allez pas dire que vous allez vivre dans l'iniquité. Et le fait que vous faites du bien aux gens, en lisant la Bible, en priant, Dieu va fermer les yeux sur l'iniquité que vous vivez. Non. La vie de la sainteté devant le Seigneur et l'œuvre vont aller de pair. Doivent aller de pair. Vous avez remarqué dans la Bible que Dieu est rigoureux pour ceux qui ont de la connaissance. Plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes responsable devant lui. Plus vous connaissez Dieu, plus vous avez la révélation. Enfin, il a dit dans la Bible qu'à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pas vrai? Voilà, ça c'est un. Vous allez remarquer donc que ces responsabilités-là, donc, ce qu'un enfant peut commettre comme péché, Dieu ne frappe pas. Vous regardez comment il frappe quelqu'un qui le connaît. Vous êtes étonné du fait que c'est pour une petite chose comme ça que Dieu le frappe. C'est ici, n'est-ce pas? Regardez, si vous étiez à la place de Dieu, vous allez remarquer que, ou bien si vous êtes à la place de quelqu'un qui juge injustement, vous allez voir que la punition qu'il a donnée à Moïse, ce n'est pas proportionnel. Vous comparez pour Saül et pour David. Vous regardez ce qu'il a fait à David par rapport à son péché d'adultère, de meurtre, de riz. Vous regardez ce que le simple fait que l'autre n'a pas tué les animaux. Il n'a pas tué les animaux. Il n'a pas tué un être humain à qui on a dit qu'il va tuer. Ça n'a pas été grave. Alors là, c'est même, il a même préservé plutôt des vies. Son remplaçant a plutôt tué. Mais la punition de celui qui a tué n'est pas grave comme pour celui qui n'avait pas tué. Il veut qu'on médite là-dessus. Regardez combien de peuples. Regardez Zacharie. Le sacrificateur Zacharie. Lorsque l'ange se tient devant lui, il commence à avoir le tremblement. Il dit, Zacharie pose la question. Comment on veut, moi qui suis vieux là, il veut comment pour Akou? Il dit, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas encore parler, je vais voir. On a dit Moumou Zacharie. Le même ange part chez Marie. Marie lui pose la même question. Moi je suis vierge. Pour l'autre quoi là, il était plutôt vieux. Ça c'est dit que moi je suis vierge, il n'est pas connu. Comment cela sera? Il dit, ok, ne t'inquiète pas, le très haut vient. La puissance du très haut viendra sur toi. Pourquoi n'a pas fermé aussi sa bouche? Celui-ci était un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. Il est dans le temple du propitiation, là où la prière est censée être exaucée. Derrière lui, là, il offre le parfum. Sur cette table-là, se trouvent deux chérubins qui couvrent les mains de propitiation. Il sait que devant cela, un ange déchu ne peut pas apparaître là-bas. Là, dans ce présent-là, un ange déchu ne peut pas apparaître. Si on porte cette tâche-là, on quitte cette enceinte-là, on met à côté d'une divinité, ça va éclater l'autre divinité-là. Pour montrer que c'est la présence du Seigneur. Donc, le souverain sacrificateur ne devrait pas douter. C'est permis pour Marie de douter parce que c'est un paysan. Donc, faisons attention. Vous allez bien. Et je peux parler maintenant. Verset suivant. Donc, il dit ici que ce n'est pas à cause de tes holocaustes, ni à cause de tes sacrifices que je te reproche. Ce n'est pas à cause de ça. Il dit que écoute-moi et je t'avertirai. Donc, c'est l'avertissement. Ce n'est pas à cause des holocaustes, ce n'est pas le cœur du jeûne. Donc, le remplacer holocauste par jeûne, par prière, par n'importe quoi que tu puisses faire. D'accord? Pour comprendre, pour saisir, pour que ça ait le sens pour nous. Pour eux, c'était des sacrifices d'animaux et autres là-bas qu'on faisait au temple pour pouvoir faire être agréable. Pour nous, ici, ce sont les œuvres dites chrétiennes. Donc, il dit que ce n'est pas pour ces œuvres-là qu'il nous fait des reproches. Maintenant, suivons-le attentivement. Verset 9, je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. C'est quand même terrible ça. Vous avez moi? Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. C'est Dieu le Très-Haut qui dit comme ça. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Donc ce n'est pas un être humain qui a nourri Dieu. Maintenant continuons. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Cette parole, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme devrait même suffire à quelqu'un de ne pas douter Dieu. Dieu veut par là dire dans ces choses-là que tout ce qui se passe dans le monde, je suis au courant et c'est sous mon contrôle. Par ces paroles-là. Lorsqu'il dit qu'il connaît tous les oiseaux parmi les mêmes ceux qui se meurent là, il y a des oiseaux dont les espèces ne sont pas encore découvertes par les hommes, qu'au fur et à mesure on est en train de découvrir. Donc d'autres scientifiques sont morts sans savoir, sans jamais su que cette espèce d'oiseau existe. Mais Dieu dit qu'il les connaît tous. En fait, il est le créateur. Et la Bible déclare que quand il soupire dans ce psaume 34, là-bas, quand il crie à lui pour demander de lui leur nourriture, dans ce psaume 104. Alors, lorsque Dieu dit ça, cette parole-ci, car tout le monde et tout ce qui est là est à moi, il vient d'afficher et de déclarer sa souveraineté sur toute œuvre humaine, sur tout ce qui existe. Et par conséquent, on n'a pas de crainte. C'est ça, ce genre de parole-ci qui me réveille, qui me bouleverse à l'intérieur. Il dit que le monde est à moi et tout ce qui se trouve. Quel Dieu nous servons? Donc, pas de compromission pour aller chez Satan pour prendre quelque chose, pour que Satan lui donne le matériel. Parce que ce matériel-là, c'est pour Dieu. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, Dieu se proclame sa souveraineté et sa majestuosité sur les œuvres de ses mains. Donc, Dieu veut dire qu'en fait, si tu veux donner quelque chose, ne pense pas que tu lui donnes quelque chose, parce qu'il n'y a rien qui est pour toi. Il n'y a rien qui est pour toi. Donc, quand tu touches l'argent, tu dis que c'est un gamin. Je donne ça à Dieu. Non, non, non, non, non. Le papier, là, ça vient de l'arbre. Pas vrai, frère? Et le papier, ça vient de l'arbre. L'encre avec laquelle on a fait pour écrire, imprimer tout ça. La machine qu'on a fait pour faire le pareil qui va faire cet imprimé là, ça vient de ces fer, des bauxites qui sont en bas. Pas vrai, frère? Amen. Donc tout lui appartient. Amen. Tout. Tu veux donner 50 000. La force que tu travailles pour avoir les 50 000, c'est lui qui te donne. S'il disait que chaque mètre cube de l'air, de respirer, tu me payes, tu vas payer. Puis chaque fois que tu vas boire l'eau, quand il cesse tes habits, comme parce qu'aujourd'hui il y a les pressings, quand il lave les habits, il faut sécher. Donc on utilise l'eau pour laver, on paye. Pour sécher, on paye. Pour repasser, on paye. Avec les sources d'énergie, ou là-bas, c'est tout ça, c'est pour lui. Donc même ton habit repassé, c'est pour Dieu. Du coton jusqu'à l'eau qu'on lave avec. Dis à ton voisin, tu n'as rien. Et tu n'es rien. Donc tais-toi. Dis donc tais-toi. C'est donc pour cela dans Lamentations. C'est amusant, pas vrai? Vous lisez la Bible, vous craignez tout simplement le Seigneur. Dans Lamentations chapitre 3, verset 36, il dit que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Donc tu dois te plaindre de tes propres. Tu dois seulement te dire que merci, pourquoi le péché me pose des problèmes comme ça là? C'est ça. Donc c'est tout simplement ce qu'on doit réclamer sur la terre, qu'on soit libéré du péché. Il dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, en fait, on est des bavardes, sache qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est la Bible de qui ça vient plus prêcher. Donc, j'espère que vous n'allez pas dire c'est moi qui ai écrit. De toute façon, il est prise là-bas. Continuons ici. Ah, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Non. Est-ce que je bois le sang des boucs? Non. Offre pour sacrifice à Dieu des actions et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Vous avez ce que le Seigneur dit? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Dieu attend les remerciements. Quand je te lève le matin, Seigneur, je te remercie de m'avoir réveillé ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi. Quand tu veux voyager, je dis Seigneur, je te recommande mon sort par rapport à ce voyage. Je ne compte pas sur le chauffeur ni sur la vitesse de la voiture. Je compte sur toi. Amen. Vous entendez ça, frère? Quand tu arrives, tu dis Seigneur, je te remercie de m'avoir porté pour amener ici. Regardez Joseph. Quand Joseph est amené en Égypte, lorsqu'il vient pour devant ses frères, il ne dit pas que vous m'avez vendu. Il dit que l'Éternel m'a envoyé devant vous. Alors qu'on le moyen de transport, c'était la torture. Le moyen de transport, c'était la torture. Est-ce que vous saisissez? Il dit, Joseph, quand il la rencontre dans ses psaumes, dans ses Genèse 50, là, à partir du verset 20, quand il rencontre ses frères, lorsqu'il rencontre ses frères, prenez le livre de Genèse, le chapitre 49 et suivant, lorsqu'il se présente à ses frères, il ne dit pas à ses frères que d'abord, quand j'étais petit, on m'avait vendu. C'est toi qui m'as dit qu'on me tue. L'autre a dit qu'on me jette dans le puits. Je vais vous montrer un à un. C'est eux qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient des problèmes avec leur conscience. Amen. Donc, quand tu es chez Dieu, tu sais que si quelqu'un te tape, et, souvenez-vous de ceci, l'Éternel a l'Éternel la terre et tout ce qu'elle rend, même ces gifles-là. Même si on te fait n'importe quoi, Dieu est au courant et il sait pourquoi on le fait. Alors, la personne qui connaît cette position, s'il reste à la position de Dieu, Amen. Le Seigneur combattra pour moi. Amen. Tu es faible, tu es faible. Le Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Ne pouvait-il pas invoquer les anges? Si. On est venu, quelqu'un est venu nous rapporter, sortir le couteau, me dit que merde, tu parles comme ça au maître. Seigneur, donne-moi seulement le couteau. Il dit, chouque son ventre dans le couteau. Il dit Petros, calme-toi. Je peux appeler mon père, il envoie 72 000 anges là maintenant pour le traiter. Reste tranquille. Ne pouvait-il pas réagir? Le Seigneur montre devant nous maintenant qu'on laisse Dieu juger. Dans toutes circonstances, dans toutes situations, qu'on laisse Dieu juger. Tu peux avoir raison devant les hommes, parce qu'on établit ton fait, tu es coupable devant Dieu. On peut juger une affaire, tous les hommes te donnent d'accord. Tu expliques bien, on voit que c'est logique. Mais ta logique est une folie devant Dieu. Ta logique est une folie devant Dieu. Prenez le temps de lire le livre de Job. Vous prenez les compagnons, les trois compagnons de Job. Vous regardez, quand vous allez suivre leurs paroles, vous allez voir effectivement qu'ils n'ont pas tort devant Dieu. Mais l'un des grands torts qu'ils avaient devant le Seigneur, le pourquoi le Seigneur les a envoyés vers Job, c'est qu'ils ne comprenaient pas que ça venait de Dieu. C'est ça le vrai problème. Ils ne comprenaient pas que c'était Dieu qui était derrière l'affaire. Satan est venu se présenter tranquille. Qui a attaqué Satan? Vraiment. Satan est venu se présenter devant Dieu. Là-bas, quand il y avait le rassemblement, on fait garde-vous. Dieu a dit que tu étais où? Il savait où la question devait l'amener. Il savait où la question devait l'amener. Il dit tu étais où? Il dit je m'ai parcouru toute la terre. Je suis allé en boîte de nuit à Cisco, à la Josse. Pendant que tu partais, tu as vu Job danser, voir de nuit là. Non, Job, est-ce que Job reste là-bas? N'est-ce pas? Tu l'as enfermé, le look de ta veste de bénédiction. Alors, il a touché le nom de Job, parce qu'il a protégé. Il dit maintenant, frappe-le. Dieu dit qu'il te laisse. Les discussions sont sur quelqu'un en haut là-bas. Il est sur la terre, il marche dans la terre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une mauvaise nouvelle commence. Si tu es malade, tu ne vois pas le compromis, mais c'est fini pour toi. Je connais quelqu'un qui avait fait comme ça, le nom de Jésus. Ils sont morts. Tu n'as pas vu sa canade de l'image te revient. Tu dis, hé, ça commence là. Alors, c'est pour dire quoi au juste? Quel qu'en soit ce qui peut arriver à un être humain sur la terre, encore grave, encore un enfant du Seigneur, la Bible nous montre qu'il y a un plan de Dieu derrière. Parce que Satan ne peut rien faire que ce qui lui a été assigné. C'est pour ça que c'est le meilleur serviteur du Seigneur. Il ne rate jamais son coup. Donc son coup est destiné à échouer. Satan ne rate jamais. Son coup est destiné à échouer. Donc il échoue tout. Voilà, c'est un très bon ministère, le ministère d'échec. Lisez votre Bible du début jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il n'a jamais gagné aucune bataille par rapport au Seigneur. Jamais. Mais il est toujours dans le ring. On tape, il résiste, il va tomber. Mais un jour, on va le mettre KO. N'est-ce pas, frère? Il y a une dernière bataille qui se prépare. Alors, Satan, souvenez-vous de ceci. C'est pour ça que si vous tous vous comprenez cela, vous n'allez pas pleurnicher en disant que mais, Satan s'y est rusé. Comment vous pouvez appeler que le chien, c'est un chien? Tu vois un chien à route, tu dis, hey, regarde, qui est là? Qui est là? Un chien comme ça. C'est son nom que tu as appelé. Donc quand tu dis que Satan est rusé, hein, tu dis, c'est lui. Mais Satan est méchant, mais c'est son nom. C'est pas ça, frère. Quand tu dis que Dieu est bon, comment il pouvait être au commande d'autre en dehors de bon? Mais, oh frère, Dieu est amour. Normal, c'est normal. Est-ce qu'il pouvait être haine? Non, c'est son attribut. Quand tu dis Dieu est bon, tu es en train de dire Dieu est Dieu. Et quand tu dis que Dieu est Dieu, en fait, tu ne dis rien parce que c'est Dieu. Donc, quand tu dis que Satan est méchant, tu ne dis rien. Tu en dis Satan est Satan. C'est pas ce que vous comprenez. C'est un peu comme tu me dis que le frère Junior est un garçon. Qu'est-ce que tu as entendu? On a déjà dit que le frère Junior est une fille. Alors, c'est vrai, on dit tout simplement ceci. Si on comprend et on saisit toutes ces choses, vous allez savoir tout simplement que je ne traverse n'importe quelle situation. Le Seigneur est à l'œuvre. Chaque fois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lisez votre Bible du début jusqu'à la fin. Vous allez remarquer que aucune personne de la Bible qui sait Dieu, Satan n'a eu le dessus sur lui. Mais Satan a été envoyé en mission pour les former pour Dieu. Tout le caractère de la Bible, c'est ça. Satan a été envoyé en mission pour nous former pour Dieu. Parce que si tu n'as pas de problème, tu ne vois pas pourquoi tu vas prier. Il faut que l'adversité soit là pour qu'on te dise que prie au veille et... Parce que la tentation arrive. S'il n'y a pas de tentation, tu vas prier pourquoi? C'est pour cela qu'au ciel, il n'y a pas de prière. C'est pour ça qu'au séquence, il n'y aura pas de prière. Il y aura l'adoration et la célébration. Il n'y a pas d'adversaire à cogner. Parce que la porte, si, est faite avec la clé. Maman verra même doubler la porte. Parce que c'est danger. Il y a un danger. Vous savez, n'est-ce pas? La façon dont vous marchez dans la journée, ce n'est pas la façon que vous marchez dans la nuit. Quand vous entrez dans la nuit, En criminologie, on dit que la nuit, tout tourne autour du mot danger. Pendant la nuit, quand la nuit tombe comme ça, pam, tout tourne autour du mot danger. Donc, quand tu es dehors, soit tu es en danger, soit tu es un danger. Vous savez ça, n'est-ce pas? Là-bas aussi, il n'y aura pas ça, parce qu'il n'y aura plus ni jour, ni nuit. Donc, quand tu fermes tes yeux, s'il y a portable là-bas, je crois que c'est ça que les gens aiment sur la terre. Supposons qu'il y a le portable céleste. D'accord, frère? C'est le portable céleste, tu le déposes comme ça, tu n'as pas douté le frère qui est à côté de toi que... On peut chanter ici devant les anges comme ça, le frère s'y prend ça pour aller dans... Il n'ira pas ça au ciel. Vous voyez? Parce que c'est la pureté dans la pureté pure. Et donc là, il n'y a pas de crainte là-bas. Par conséquent, on n'a pas besoin de prier pour supplier pour n'importe quoi. On n'a pas besoin de quelque chose là-bas. Parce que Dieu sera notre satisfaction. Ici, si on a besoin de lui parce qu'il y a quelqu'un qui nous crée handicap. Et dans cette soif donc de marcher comme Dieu veut, les obstacles sont là, effectivement, créés par cet ennemi-ci, pour fortifier encore nos désirs, notre intensité, à leur servir davantage. C'est parce que c'est ici. Je recommence encore. Vous avez vu quand l'aigle éclore. Vous avez vu quand l'aigle éclore. Vous n'avez pas encore vu. Ok. Maintenant, quand l'aigle dépose ses œufs, la maman aigle ne vient pas taper, papa, jamais. C'est de l'intérieur qu'on éclore. Le monsieur la tape d'un pas. C'est à lui de créer l'obstacle pour sortir. Donc s'il fait coum, coum, ça ne s'ouvre pas. S'il veut rester là-dedans, il va asphyxier là-dedans. Parce que quand sa saison de sortir est arrivée, l'obstacle doit quitter. Quand il fait coum, si la coque est dure, il dit que c'est dur. Ça va résoudre le problème. Il dit coum, coum, coum. Ça se fend un peu. Il dit que mince, il a trop prié ici dehors. Au nom de Jésus, ça ne marche pas. Il laisse comme ça, ça règle le problème. Non. Donc, quand le nom de Jésus a au moins marché, même si c'est une petite fois, avant seulement jusqu'à ce que ça finisse par ouvrir. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a des difficultés, dis au nom de Jésus, ça ne semble pas marcher. Ne regarde pas si ça ne semble pas marcher. Regarde si c'est que ça doit marcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, donc, vous êtes le chrétien, au nom de Jésus, une fois ça va marcher. Il dit, la chair est faible. Mais la Bible déclare que l'esprit est dispo. C'est disposé donc pour qui? Si l'esprit est disposé, l'esprit est disposé pour les esprits. Est-ce que l'esprit est disposé pour les esprits? Vous avez la malchance que vous êtes en même temps esprit, en même temps chair. Donc tu as les deux natures. Si tu laisses la nature de la chair se manifester plus que l'esprit nature de l'esprit, on dit que non. Souviens-toi que la chair se manifeste, souviens-toi que l'esprit est aussi disposé. Pourquoi on dit toujours que tu sais que la chair est faible? Mais je sais ça seul. Tout le monde sait ça. Même la chair elle-même sait qu'elle est faible. Hein? Mais on dit l'esprit est. Donc, tournons-nous vers le côté de l'esprit. Ça dit que quoi? Je suis en train d'avancer avec le Seigneur. Il y a des obstacles. L'obstacle n'est pas la fin de ma marche. L'obstacle n'est pas la fin de ma marche. Mais l'obstacle est un challenge pour un autre défi. L'obstacle. C'est pour ça que dans la boxe, il y a les poids lourds, les semi-lourds. Vous savez, quand vous devez monter sur la balance, peser sur un poids, challenger, avancer sur un point pour passer à un autre niveau. Quand tu gagnes le semi-lourd, tu as gagné le poids lourd. Et quand tu regardes l'autre devant, quand tu le passes à distance, il te regarde, tu se comprends que ce n'est pas à ton niveau. Donc, l'obstacle passé dans la marche chrétienne ne veut pas dire la fin du parcours. L'obstacle traversé dans la vie chrétienne ne veut pas dire la fin du... Mais la joie pour être renouvelé, pour affronter d'autres challenges. Mais la joie, parce que quand tu as gagné, c'est toujours la joie. Quand les gens jouent au football, ils gagnent la Coupe du Monde. Tu as entendu quelqu'un gagner la Coupe du Monde, il dit que non, c'est fini, ça, ils ne gagnent plus, on l'a gagné. L'année prochaine, ils entrent encore en compétition. L'espoir montre que ceux qui ont gagné la Coupe du Monde ne gagnent pas toujours. Parce qu'il y a encore du challenge. Donc, la victoire sur l'obstacle qui est au devant de nous, la joie là, ça symbolise qu'il y a encore un défi qui arrive. Quand les enfants passent le premier examen, le CEPE, ils croient que c'est fini, non? Pour lui, croient que non, c'est fini. Celui qui est devant comprend que mon type a encore depuis le chemin à parcourir. Il ne sait pas ce qu'il attend. Quand il rentre le jour qu'on a mis son nom, il est passé, il est passé. On dit que justement, c'est là l'obstacle corps. Là, en sixième. C'est qu'on disait à coup moins deux. On disait depuis le coup moins deux que un moins deux, ça ne peut pas se faire. Quand il arrive en sixième, il lui suit. Quand on fait l'identification en cinquième, le maître, le professeur dit non, un moins deux, ça ne peut pas se faire. Le maître dit non, ici c'est possible. Il dit comment à l'école primaire, justement, on a l'école primaire que ça ne peut pas se faire parce que c'est le niveau que tu pouvais comprendre. Amen. Amen. Tu ne peux pas comprendre, maintenant tu vas avancer. On commence à lui dire maintenant que, ok, il y a les résultats négatifs. Comment un résultat peut être négatif? On commence doucement, tu as un repère comme ça, on met zéro ici. Et quand tu vas du côté droit, c'est le plus, ce que tu entendais souvent là. On te va montrer qu'ici il y avait les moins. Donc s'il mourait à coup moins 2, on demande aussi là, que le mathématicien dit que la mathématique, il n'y a jamais de moins 1. Alléluia. Ce qui va dire qu'il n'y a jamais de moins 1, que tu as vu moins 1 ou sur la terre. Depuis que tu fais quand moins 1 là, si on réunit tout ce qui a été moins à coup moins 2, dit qu'il y a moins 1 sur la terre, va dire qu'il y a moins 1, que ta tête ne tient pas. Jusqu'à ce qu'il doit encore demander ça à Dieu que moins 1 existe. Il lui montre la vision que regarde, à partir de 4e, tu vois qu'on dit que moins fois plus, plus fois moins fois moins. Il dit que c'est encore quoi comme ça? Il dit que c'est la table de multiplication des signes. Amen. Donc les obstacles dans la vie ne veut pas dire que vous cessez. Non. C'est que traverser cet obstacle, vous avez assimilé le parcours. pour de nouveaux challenges. Le dernier obstacle, c'est la mort. Le dernier obstacle, c'est la mort. Le dernier obstacle, c'est la mort. Lorsqu'on entre là-bas, écoute, tu traverses avec brio en sortant du bon côté. Tu respires qu'un ouf de soulagement, que le parcours, vraiment, c'était pas facile là-bas derrière. C'est tout. Tant que vous allez sur la terre, que vous dites, Seigneur, préserve-moi aujourd'hui. Tu préserves, ça veut dire que Seigneur, donne-moi encore d'obstacles en réalité. Parce que quand tu pries pour rester sur la terre, ça suppose donc que si tu quittes une tranche, comme par exemple ceux qui ont vécu au 17e siècle, vous savez, et qui ont fait la transition avec le 18e siècle, lorsque la révolution industrielle s'est passée, il fallait qu'ils s'accoutument avec maintenant les ventilateurs et les vélos. Que c'est quoi ça? Ils montent sur le vélo et disent que c'est quoi? L'année dernière, on ne voyait pas cela. Ils commencent à s'accoutumer. Les enfants qui naissent maintenant, 2 ans, l'enfant, je suis en train de parler, voilà ça pleure, voilà ça devant elle. Un enfant, voilà, vous voyez, elle est dans son portable Android. Toi qui es le papa qui est dans 1900, tu as du mal à voir. L'enfant fait comme ça, papa laisse, il glisse le doigt, tu regardes l'enfant, vous savez que c'est comment? Il est né dans l'Android. Donc c'est pour eux que tu quittes une génération à une autre. Il y aura perturbation. Donc tant que tu es sur la terre, tu dis Seigneur, protège-moi, tu es en train de dire, donne-moi encore des obstacles, donne-moi encore des difficultés. C'est ça, c'est pas vrai, frère? Alors, le Seigneur dit ici qu'il faut qu'on ne s'inquiète pas, il a tout. Mais qu'on fasse n'importe quoi, il faut qu'on lui rende grâce. Donc, l'ingratitude est un problème en milieu chrétien. L'ingratitude. Dieu déteste ça. On a des relevés là-dedans. L'ingratitude. Ce n'est pas seulement envers Dieu, envers des hommes. Il faut être reconnaissant. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul dit dans l'Épître de 1 Timothée chapitre 2, donnant l'instruction qu'on prie pour les autorités, il dit afin que nous menions une vie tranquille. Pas vrai? Nous voici. On sort de loin pour venir, on se réunit, on prie tranquillement. Pas vrai? On doit être reconnaissant du fait que Dieu nous a donné au moins un pays où on puisse prier comme ça et rester rassemblés. Bien que ça va changer bientôt. On doit reconnaître cela devant Dieu déjà. D'accord? De nous avoir donné la grâce. En Chine, au Pakistan, on ne peut pas réunir comme ça. Vous ne pouvez pas vous réunir. Comme ça, on va vous montrer. Avançons ici. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Donc n'invoque pas Dieu alors que tu as fait des vœux, tu n'as pas accompli. Ou tu n'es pas reconnaissant pour les choses qu'il a d'abord faites pour toi. Et sans ces choses-là, ne vous entendez pas qu'il y a des grandes choses. Qu'il y a des grandes choses pour que vous soyez délivrés, pour commencer à comprendre cela. Il y a... Je vous avais expliqué l'année où celle-ci faisait le BPC. J'étais chez mon beau-père là. Je vous ai expliqué cela. Je dis ça parce que la vision, Dieu, c'est comme ça que Dieu fait. Le matin, il devait composer. Il avait pris l'engagement que je devais aller les accompagner à l'école pendant l'examen. Elle était contente parce qu'elle devait entrer dans la Opel Frontera. Elle rit maintenant. Alors, elle se lève le matin. Comme elle part très tôt, elle a laissé. C'est à l'Opum. C'était le premier fréquent. Elle doit composer à l'Opum. C'était le premier. Ah, c'était Nathalie. C'est pas toi, c'est Nathalie. C'est une autre de ses soeurs. Alors, je me réveille maintenant. Le temps qui se prépare, je dis, vous êtes prêts? Dites-moi seulement, je prends la voiture, je vais vous accompagner. Je m'allonge au lit. Frère, je vois mon véhicule en train d'être tiré avec une longue corde. Je n'ai pas entendu le bruit. C'est... Et puis, je vois une longue corde qu'on est en train de dérouler. La voiture en train de tirer. Mais je dis, c'est quoi ça? Alors, quand je me réveille comme ça, pendant que je suis en train de méditer, je dis, c'est prêt, je suis prêt, on part. J'avais un 500 sur moi. Si j'avais médité plus le temps de méditer, comme la peau de pied avait médité en haut là, je lui donnais 500 que prends. J'avais dit qu'il devait te porter. Pas. Alors, avec ça, maintenant, j'ai appris à connaître les voix du Seigneur, quand le Seigneur parle. J'ai pris la route sortant de l'Opon. Vous savez, quand vous venez de l'autre côté, venant de la haute tension là, vous vous embranchez pour arriver au marché. C'est pas mieux. Donc, vous arrivez là, par là-bas, la route va plutôt comme ça. Et par conséquent, le lycée est de ce côté. Dès que j'arrive là-bas, le son que j'ai entendu tout à l'heure, là, quelques minutes, j'ai entendu la voiture s'est arrêtée subitement. La voiture s'est arrêtée. Par conséquent, quand j'étais en allée, j'ai dû mettre au point pour que la voiture s'entraîne. J'ai tourné la voiture, elle s'est garée comme ça. Elle est sortie, elle est composée. Comme elle est composée à cet instant-là, 7h, 14h, m'a trouvé là-bas. Donc, toute sa composition, pendant qu'elle composait, j'étais en route là-bas, sous la voiture. On a fait n'importe quoi. Le garage est venu dire que la seule solution, c'est qu'il faut tirer ça au garage. C'est quand on a porté la corde à mis sur la voiture que j'ai vu la deuxième partie. Donc la voiture devrait être tirée. C'est pour ça que c'est ici. Il y a cela deux ou trois fois, ça fait 2 semaines maintenant. Je vais vous montrer. Tant de rouler avec la voiture, subitement, le pédale, l'embrayage est quitté. Deux fois, j'ai vu ça une fois. Quand il lit, je sens le prier, Seigneur, pardon, j'ai une urgence de côté, ne permet pas. Ne permet pas. Mais c'est deux, trois, quatre jours comme ça. Ça est arrivé exactement. Il m'a visité deux fois pour dire que c'était arrêté. Juste parce que le problème a été résolu. La dernière fois, quand il partait à la radio, j'ai dit à ma femme que j'ai vu. Je passais un monsieur devant moi. Non, je n'étais pas en train de dormir ni quoi que ce soit. Je me préparais, j'étais en train de lire la Bible devant moi. Subitement, je me suis assoupi. J'ai vu une moto, j'étais devant la table comme ça. J'ai vu un monsieur, il dandinait, il avait porté quelqu'un derrière. Il dandinait comme ça. Il dit, mais celui-ci fait quoi? J'ai vu la voiture le cogner. Moi, le cogner. Jusqu'à ce que j'ai freiné, jusqu'à appuyer sur la table. Il dit, je suis à la maison. Il dit, c'est quoi ça? Je sors ce même sol pour aller. Quand il fait comme ça, je commence à surveiller doucement parce qu'il m'avertit là que quelque chose va. Je vais à la radio. Je suivais, il n'y a rien. Je rentre maintenant, je suis large pour rentrer. À un kilomètre de la maison. Ma femme m'appelle André parler. Je vois le monsieur devant moi, il fait. J'ai freiné comme ça. Je l'ai vu. J'ai vu l'habillement exact que j'ai vu avant de partir. Mais parce que quand il dit, je suis en train de le suivre pour voir, parce qu'il ne faut pas que ça arrive. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, Dieu nous avertit plusieurs fois. Il y a des petites choses qu'il faut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. De telle façon que s'il dit telle chose, il te préserve. Ce sont les choses qui te préservent. J'ai freiné parce qu'il m'a montré, parce que je suis sorti ce jour-là, sachant qu'il m'a dit quelque chose. Je dois suivre que telle chose n'arrive pas. Donc, si la montée était à ma droite dans la vision, j'ai vu au milieu de moi. Donc, c'est celui qui est au milieu de moi que je vois. Ce garçon, il n'y a rien à son obstacle, à droite ni à gauche, mais il fait là au milieu. J'ai dit à ma femme était en bleu. Il dit que c'est qu'il était dit, voici le garçon là devant moi. Elle dit que qui? Il dit celui qui était dit le matin que j'ai vu quelqu'un qui voulait cogner, le voici. Il dandit devant moi, il ne sait pas ce qu'il faut. Et quand il dit, il dandit devant moi, il ne sait pas ce qu'il faut. Je me suis souvenu que dans la vision, il dit, mais celui-ci fout quoi devant moi comme ça? Pourquoi Dieu préserve? Dieu préserve. Quand j'étais jeune dans la foi, c'est comme ça, quand on m'appelle, je dis, tu es où, je pars. Un de ces jours, je ne me souviens pas. C'est ça, les choses qu'elle ne peut jamais oublier. Je me lève comme ça, j'appelle une femme, elle dit, parce qu'elle voulait me voir, qu'elle vient prier pour elle. Normalement, quelqu'un qui veut prier, c'est elle qui a besoin de prier. Donc, je dis que je viens. Elle me dit, ok, tu viens quand? Je dis, demain matin. Le matin, je sors. Il vient de parler avec d'autres personnes, il me baisse, il me met la scène. Le Saint-Esprit dit, elle n'est pas là. Ça va, il continue à parler de l'autre côté, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit que quand, si tu es prêt, je ne vais te parler. Tu entends, il décide comme il veut. Et elle n'est pas là. Elle reste tranquille. Qui n'est pas là? Je suis là, je fais. Le soleil, ce jour-là, il n'oublie jamais ce genre de choses. Le soleil, c'est juste comme si on avait envoyé le soleil du ciel en haut sur moi. Je mets l'autre pied sur l'autre pied. J'entends encore. Elle n'est pas là. Mais je suis concentré avec ce que les gens disent. Elle n'est pas là. J'arrive, je marche. Ah, mon Dieu, frère, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, ces choses-ci, c'est pour apprendre. Lorsque, c'est quand il dit. Quand il est là-bas, il dit, quand, il entend, où telle personne dit qu'elle n'est pas là. Il dit, elle n'est pas là. Frère, rentre à la maison, tes frères. Le soleil m'a frappé comme si on avait dirigé ça sur ma tête, comme ça, là. Comme, vous savez, Jonas, là. Ça, c'est juste ce que ta tête a fait comme ça, là. Il se rentre à la maison, il dit, Seigneur, c'est pour ça qu'il veut sortir. Il dit, souvent, les gens, je suis avec les gens dans la voiture, je suis allé comme ça, je dis, allons chez telle personne. Il avait quelque part. Il fait 4-4, je dis, rentre. Il rentre. Il dit, c'est quoi? Il dit, il ne parle plus. Il n'y a pas besoin de donner l'explication. Quand je reçois, je fais comme. Parce qu'il m'a déjà appris. Amen. Donc rendons grâce à Dieu en toute chose. Quand j'habitais, nous sommes à Bonhomme, ça dit ça, c'est ma képin. Quand j'habitais avec ma tante, l'une de mes, mon grand frère qui était décédé, avec ça, je quittais l'université, je viens là-bas à la maison. Un jour, je suis venu à l'université. Normalement, c'est une casanière, donc elle reste à la maison, elle ne sort jamais. Si elle veut quelque chose, elle envoie, qu'on peut acheter. Je viens donc, je me cache quelque part là, derrière une boutique, je m'assois là-bas. Dès que je suis assis, il dit qu'elle viendra ici. Il dit qu'elle viendra ici. Elle ne peut pas sortir. Elle ne sort jamais de la maison. J'ai dit, mais je suis là, je suis en train de causer avec les gens. Il y avait une porte comme ça, et puis j'étais là dehors. J'étais comme ça. J'étais en train de causer avec quelqu'un. Le Coca-Cola était devant moi. Il buvait Coca-Cola. J'entends, elle viendra te trouver là-bas. Moi, je venais au quartier. Je ne voulais pas qu'elle me sache que je suis au. Vous entendez que Dieu entre dans votre histoire. Il ne sait pas, il ne veut pas savoir ce que tu fais. Il te donne les instructions. Je bois le coup, il met un Coca-Cola, il met l'eau glacée. Je dis qu'elle vient faire quoi ici? Je la connais bien. Vous ne connaissez personne. Parce que les circonstances peuvent faire qu'une personne change d'attitude. Il dit que non, je ne la connais pas. Elle ne peut pas sortir de la maison. Elle ne peut pas. Hein. Deuxième fois, elle arrive. Elle arrive quoi? La voici. Je voulais sortir au frère. Il y a un mur comme ça. Quand vous entrez dans une boutique, il y a un mur. Je suis au coin du mur. Donc la porte est comme ça. Ce qui fait qu'il ne voit pas le dehors. Je suis en train de causer. Ici, je cause avec les gens, c'est là-dedans. Elle arrive. Je dis, arrive. Je regarde dehors. Je dis que la maison est loin là-bas. Elle ne peut pas venir ici. D'abord, ce n'est pas la seule boutique. Quelle est la propriété qu'elle vient là-bas? Mais Dieu est en train d'avertir. Je parle de rendre grâce à Dieu. Elle arrive. Frère, la prochaine fois, c'est la voici. C'est bon. Il me tourne comme ça. Elle est devant moi. Junior, tu fais quoi? Il dit, je voulais comme ça venir. Je voulais comme ça venir à la maison. Alors, ça veut dire la prochaine fois quand il parle, il me discute. Bah, quand je suis dans la voiture, je reste quand je sors. Il dit, Seigneur, conduis ce véhicule. Conduis ce véhicule à l'aller et au retour. On arrive quelque part, voilà les embouteillages, on va passer comment? Je vais, Chabda, calme-toi, sois patient. Il fait comme ça. Pendant que les gens sont levés, vous passez par le raccourci. Tu vois subitement, ça se bloque là-bas, l'embouteillage s'ouvre et tu vois que le Saint-Esprit conduit. Donc, Dieu veut entrer dans chaque domaine de notre vie. Pourquoi il dit rendre des actions de grâce à Dieu? Et en réalité, c'est parce que dans nos vies, il met les doigts, mais très souvent, nous ne voyons pas sa main. Parce que nous voulons voir des grandes choses. Que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Mais les grandes choses, frère, si vous regardez très bien, les grandes choses, c'est la somme des petites choses. Quand vous voyez une matière, la matière, on dit en physique que l'élément fondamental qui constitue une matière, c'est l'atome. Donc c'est un atome qu'on ne voit pas, que constitue la matière. Donc ce que nous ne voyons pas, sommet, donc ce que vous voyez. Et par conséquent, quand on dit soyez reconnaissants, il faut que vous reconnaissez Dieu dans les moindres faits. Ah, la Bible déclare que reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes... Donc si tes sentiers ne sont pas aplanés, donc tu ne le reconnais, il fait A, tu sais que mince, tu murmures, 2, il murmure, 3, il te laisse, comme tu es fort, continue. Avançons seulement, j'avais quelques pas pour là où je parlais avant que ça m'a amené ici. Nous sommes dans Somme 50. Vous êtes là, frère. Donc souvenez-vous de ces songes ici. Je ne sais pas pourquoi ça n'est revenu là. Le lion qui est en train d'attaquer, les gens qui sont en train de se disperser. Quand le lion fait, il les fait, oh, c'est pour que les gens s'isolent. Faites attention. Verset 15. Bon, prenons encore verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous y êtes? Je te délivrerai. Donc Dieu, vous voyez qu'une fois de plus, dans le plan de Dieu pour les gens qui le craignent, il y a les détresses, non? Il y a les détresses. Il dit qu'au jour de la détresse. Pourquoi il va laisser la détresse arriver? Pourquoi il ne dit pas tout le monde, il te nettoie de toutes les détresses? Il dit au jour de la détresse. Donc dans tes programmes, c'est quand la détresse te trouve, souviens-toi que tu peux m'invoquer. Donc Dieu veut dire que quoi? Je suis quelqu'un sur qui tu peux compter. Je suis quelqu'un sur qui tu peux compter. Lorsqu'il parle que le Saint-Esprit m'a dit comme ça, beaucoup de personnes vont dire, mais comment est-ce qu'il te parle? Votre cœur doit être purifié. Votre cœur doit être purifié. Si ce n'est pas purifié, vous allez entendre autre voix là-bas. Le cœur doit être purifié. C'est-à-dire que quoi? Remis à sa disposition. Souvenez-vous, les informations que vous entendez de vos oreilles, que vous voyez de vos yeux, influent sur vos pensées. Ça influence vos pensées. De telle sorte que ce que tu... L'âme, sa porte d'entrée, c'est les cinq sens. La porte d'entrée, c'est les cinq sens. Ce que ton âme désire est consommé au travers des cinq sens. C'est ce que je viens de dire. D'accord? Ce que ton âme désire est consommé par les cinq sens. C'est au travers de cela que ça passe pour toucher ton âme. Je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire. Ok. Et donc, lorsque ça revient dans ce siège-là, et que c'est enraciné là-dedans. Ça te pousse à faire la même chose chaque fois pour le nourrir. Parce que quand vous mangez le matin, le soir, vous vous sentez faible, il faut encore vous manger. C'est n'est-ce pas? Parce que votre corps a besoin de protéines et des éléments nutritifs. Alors lorsque c'est ton corps n'a pas, vous commencez à vous sentir un genre. Ainsi de l'âme. Quand vous nourrissez l'âme une fois, l'âme n'est pas satisfaite. C'est pour ça que vous pouvez regarder quoi, les films. Vous voyez que quelqu'un voit le film est bon, il veut toujours regarder. Parce que la Bible déclare dans ce livre de Proverbes là que l'œil regarde sans se rassasier. D'accord? Et la Bible déclare que l'âme là que vous voyez comme ça, le puits, c'est un abîme profond. Donc vous pouvez mettre autant de péchés que vous voulez là-dedans. Nettoyons, il dit donc, purifions nos cœurs. Purifions, remettons ça sous son onction, sous sa direction. Il parle là-dedans. C'est n'est-ce pas? Je crois le moment va venir, il faut qu'on construise autour de ceci. Comment écouter Dieu? Tout ce qui est, tous les vacances qui sont tout autour de nous, c'est pour nous empêcher cette voix-ci. Tous les vacances, les distractions qui sont là, c'est pour nous empêcher de l'écouter. Si vous l'écoutez, c'est bon. Ce sera bon pour vous. Alors, il va vous donner, il va vous conduire en disant, ne va pas là-bas. Ne fais pas cela. Telle arrive, voici sa situation. Vous pouvez vous tenir là, pendant qu'il est venu, pendant qu'il y a des bavardes, il dit, il ment. Pendant que tu bavardes, tu bavardes ta part. Tout ce que c'est ce qu'on a dit que tu... Une femme vient comme ça, elle pleure parce qu'elle met la main au jour, à la jour comme ça. Tu sais quoi, comme c'est la plus des dernières des femmes ici. Elle touche le pied de ma femme comme ça, elle dit que elle ment. Tout ce qu'elle fait là, hein, elle ment. Elle dit que, attends. Elle, ma femme me regarde comme ça, elle dit que comment elle peut mentir. Quand son mari vient, il dit que ah, voici ce qui se passe. Il dit que répète ce que tu as dit. Elle répète encore. Donc faisons attention. Continuons. Maintenant, écoutez, et Dieu dit aux méchants. Et quoi? Regardez bien. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis. C'est voici l'attribut. Dieu n'a pas dit ça à ses enfants. Mais malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent enfants du Seigneur sont dans ces cas-ci. Dieu dit, normalement, ce verset, il a résolu le problème avec ses enfants dans la partie du 7 que j'ai lu là jusqu'au verset 15. Pour ses enfants, il a dit que votre problème, c'est que vous êtes mes enfants et vous faites du bien, vous ne reconnaissez pas. Vous passez le temps à faire des sacrifices, croyant que c'est ça que je veux. Je veux que vous soyez reconnaissants. Je veux que vous compreniez que c'est moi qui vous gère. Que votre force, c'est moi. Que vous ne vous contentez pas sur vous en disant que voici tes sacrifices que tu as demandé. Et que vous croyez que le sacrifice est important pour moi. En fait, c'est une intimité que je veux de vous. Pour que quand il y a un problème, invoque-moi pour que je sache que je suis votre père, vous sachiez que je suis votre père. Mais maintenant, quand il se tourne ici, il dit, et Dieu dit, oh, méchant. Je me suis en train de m'arrêter sur ça pour que vous compreniez la gravité. Il a quelque chose qui reproche à ses enfants, dont ses enfants doivent amender. Il dit que Israël, dont je suis son Dieu, je t'avertirai. C'est ce qu'il a dit en haut là-bas. Israël, je suis ton Dieu, je t'avertirai. Il avertit ses enfants parce qu'on a de prendre des voies détournées. Puis il dit ici aux méchants, il dit que quoi donc tu énumères mes lois. Puis il dit que le méchant fait exactement ce que Josué, chapitre 1, verset 8 de la partie A dit. Il dit que tu as quoi? Ma parole dans la bouche. Que ce livre de la loi, c'est l'homme pour ta bouche. Il y a un deuxième volet quand il médite le jour et nuit pour agir. Donc le méchant n'agit pas en conséquence là-dessus. Mais il énumère cela, toutes les lois. Donc il peut énumérer la parole de Dieu avec la bouche en citant droitement. C'est pour ça que je vous ai dit ici que quelqu'un peut prêcher la Bible alignée du début jusqu'à la fin, étant chez Satan. Donc quelqu'un peut prêcher la Bible, c'est droit du début jusqu'à la fin, mais étant chez Satan. Mais l'enfant du Seigneur, lorsqu'il fait l'erreur, Dieu le corrige. Remarquez bien la partie d'en haut et la partie d'ici. Ici, il dit que, quoi donc? Dieu dit au méchant. Là-bas, en Hollande, il dit à Israël. Israël et le méchant, c'est deux natures différentes. Mais si on est français, c'est parce qu'en réalité, l'attribut que Dieu reproche au méchant se trouve au milieu de nous aujourd'hui. On connaît la loi des dieux. On énumère la parole du Seigneur. Mais voyons le suivant. Regarde, verset 17. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ça, c'est l'attribut que les chrétiens portent aujourd'hui. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Regarde bien. Et ta part est avec les adultères. Vous avez vu ça, frère? Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ça? Tu diffames le fils de ta mère. Qu'est-ce que Dieu entend de vouloir montrer? Puis il dit, tu as fait cela, tu t'imagines que je t'ai ressemblé. Vous voyez ça? C'est-à-dire, cet attribut-ci ne peut pas venir du Seigneur. Tu fais ça, tu crois que je te ressemble. Donc je dis, malheureusement, au milieu chrétien, ça se trouve. Je vais aller rencontrer cette soeur-ci. Je prends le nom de ce frère, si je mets là-bas. On le coupe comme c'était la patate. Au milieu des chrétiens. Et là, le problème, c'est ceci. Aucun des versets bibliques qui l'énumère ne doit fuir son cerveau parce qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais. Parce que Dieu dit que tu as mes lois. Tu les énumères de la bouche, mais tu t'assois, tu parles contre quelqu'un. Faites attention. Faites attention. Quelqu'un vient avec le nom d'une autre personne. Il a fait quoi? Prions pour lui. Prions pour... Ne vous asseyez pas, vous parlez contre quelqu'un. Ou parce que la chose, c'est ceci. Celui-ci parle contre celle-ci, il parle contre Jésus. C'est ça le vrai problème. En fait, et si tu parles contre, en réalité, tu parles contre toi. Parce que si vous êtes du même coach, c'est comme si la main s'en décrit. L'autre main là, l'autre jour, on l'a envoyé prendre le gobelet, il a refusé. Et la main là, vraiment, ta tête. Qu'est-ce qu'il a de faire là? C'est impossible ça dans le corps qu'il y ait des discordes entre le corps ici. C'est pas ça, frère. Si on laisse la main, c'est qu'il porte n'importe quoi désormais, il va s'en sortir. Alors, la main, ça ne peut pas être en compétition avec toi aussi. Par conséquent, la personne, c'est à sa place. D'accord? Ça nous conduit dans la cinquième partie de don et appel. Il faut qu'on voit justement la lutte, la guerre des places. Dans cette étape, on va voir la guerre des places. C'est ça, ça nous continue inéluctablement dans ces zones-là de voix. Pas vrai, frère? Donc voyons la cinquième partie. Les dons et les appels. Oui. Si c'est un soi-disant, ça ne le concerne pas, il est méchant. Allons-y, cinquième partie, prenons la dernière fois, nous sommes arrêtés dans le livre de Romains au chapitre 12. J'ai quoi dans ma Bible? Bon, il prend cette Bible-ci. Dans la quatrième partie, nous avons commencé dans le livre de Marc au chapitre 6. On devait lire jusqu'au verset 23, on s'est arrêté au verset 4. Et là, ça nous a amené dans tous les sens. Gardez cela à l'esprit. Je vous avais donné des chapitres, si on n'a pas lu, dont de temps en temps, nous y allons. 1 Corinthiens chapitre 2. Comment me regardez comme ça? Vous savez de quoi on a travaillé depuis? C'est pas ça, hein? Les dons et les appels. C'est ça dont il est question. Nous avons vu 1 Corinthiens chapitre 12, tout le chapitre, et on va y revenir. Et la dernière fois, l'une des fois ici, nous avons vu en réalité qu'il n'y a pas incompatibilité dans le corps, mais que s'il y a l'insuffisance de l'autre, ne veut pas dire qu'il n'a pas de dons, ou bien que ce n'est pas l'esprit, mais son insuffisance veut dire qu'il y a la complétude quelque part. Nous avons vu cela. Et le Saint-Esprit nous a donné 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 1, que vous lisiez. Et au chapitre 4, nous avons lu au verset 10 que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, le Saint-Esprit vient de nous dire qu'il y a diverses grâces de Dieu. Puis il nous donne l'injonction dans ces 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La question se pose tout naturellement. 1. Suis-je chrétien? Oui. Quel est mon don? Parce que vous ne pouvez pas mettre au service des autres ce que tu n'as pas. Vous ne pouvez pas aller dans un chantier, on est en train de travailler, on dit que je suis fort. Les ouvriers qui sont là-bas disent que tu sais faire quoi? Parce que dans un chantier de construction, il y a plusieurs tâches à faire. Tu sais faire quoi? Il faut dire, tu restes là-bas que n'importe où, mettez-moi. C'est un danger ici. Quelqu'un comme ça est dangereux. Pas vrai? Si vous allez, vous avez vos enfants à l'école, il y a des maîtres comme ça où on fait des tests psychotechniques pour prendre les enfants. Les maîtres pensent à les enfants. Quelqu'un se présente, il dit qu'il donne coup de tout au lycée. Vous allez comprendre que cet enfant-là, on ne peut pas lui offrir. On ne peut pas recommander quelqu'un comme ça à enseigner vos enfants. Pas vrai? C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les spécialisations. Vous devez être spécialisé à faire quelque chose. Vous montez, vous descendez. Il y a des choses sur la terre si vous allez mourir sans avoir jamais maîtrisé. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Et là, c'est à l'extérieur du corps. Imaginez maintenant en ce qui concerne l'esprit. Sur le plan humain, c'est-à-dire que vous allez à l'école, à l'université, prenez seulement un gris, vous prenez l'université. D'abord, il y a plusieurs facultés. C'est quand vous entrez dans une faculté, il y a des sous-facultés. Vous entrez dans une faculté maintenant, il y a les différentes options. Vous allez aller apprendre chaque faculté. Vous allez finir la faculté de sciences, finir toutes les options. Avoir tous les diplômes en chimie, en physique, en tout ce qui est mathématiques, mathématiques, puis informatique avec le niveau technologique. Finir ça, aller maintenant en faculté de sciences juridiques et politiques, commencer à faire la politique. Vous allez faire la politique, seulement les cours, les relations internationales vont vous perdre des années. Seulement les cours, les relations internationales, sans trouver le droit pénal général, sans trouver le droit public, soit le droit commercial, droit international. Vous voyez, n'est-ce pas? Si vous allez seulement être fou. Et la Bible nous dit que nous conseille que n'allez pas dans la folie de beaucoup d'études. D'accord? Parce que ça détruit le corps. C'est pas ça, frère. Alors, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que dans le corps de Christ, il y a des gens assignés à des tâches spécifiques. Dans le corps de Christ, il y a des gens avec d'assignements spécifiques. C'est-à-dire que assignment, ils ont une tâche, voici son rôle. Il n'y a que lui qui doit faire cette tâche-là. S'il n'est pas là, quelqu'un ne peut pas faire cette tâche. En fait, il ne peut pas être là parce qu'il doit être là. Parce qu'on a vu que les dons et les appels sont prédestinés. Dieu connaît la personne, que la personne sera là dans cette période-là. Et il connaît exactement qui finira sa tâche. Par conséquent, comme il connaît cela, il peut donc préparer toutes choses pour que ça marche. C'est ça le vrai problème. Donc, en réalité, il n'y a personne ici qui ait jamais raté le plan de Dieu pour lui. En réalité, dans votre Bible. Vous avez seulement remarqué que chacun quitte la scène au moment opportun et la chose de Dieu continue. Lorsqu'on quitte dans une entreprise, dans une situation donnée, où quelqu'un quitte de façon défaillante, il y aura un moment de chamboulement, il va falloir qu'on restructure et on rééquilibre la chose. Dieu n'a jamais rééquilibré la donnée. Il n'a jamais redistribué les dés. Non, tout va et tout marche comme il a prévu. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes dans une entreprise, par exemple, ou bien vous avez un supermarché où vous avez des clients qui viennent, il y a des commerciaux qui sont là-bas, qui sont en train de travailler, qui bossent bien parce que l'entreprise est en train de monter. Vous comprenez effectivement que le dirigeant, si les commerciaux, s'ils sont des tenants, des piliers, subitement, ils disent, je dis que j'ai vu mieux ailleurs, ils vont en Amérique. S'ils sortent brusquement, la chute sera spectaculaire. C'est ce que j'allais dire. Le temps que tu te retrouves encore équilibré pour essayer de chercher des gens qui vont compenser, parce que tu es humain, ce n'est pas prévu ceci. Chez Dieu, ça ne se trouve pas. Donc cette situation d'instabilité momentanée, avant qu'on puisse se recadrer, ça ne se trouve pas chez Dieu. Donc il a seulement ordonné toutes choses. Donc les dons et les appels sont prédestinés, et la Bible appuie qu'ils sont sans repentir. Et par conséquent, si vous lisez votre Bible de la bonne façon, parce qu'il ne s'agit pas de lire, vous lisez votre Bible de la bonne façon, en comprenant la personne qui l'a inspirée, vous saurez que tout marche comme il a voulu. La Bible déclare dans ce livre-là, que nous avons cité la dernière fois, que le Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut sur la terre, tout ce qu'il veut au ciel, il le réalise sur la terre. Cette parole de ce psaume-là veut dire ceci, que sur la terre, rien ne s'accomplit sans sa volonté. C'est ce que ça veut dire. Et le Seigneur Jésus-Christ va plus loin en disant que quand quelqu'un va au champ, il dit, vous savez, quand on était petit, on tuait les lézards. Les gars d'un consomme, comme le papa saut comme ça là. Allez les demander comment. Il y a ce qu'on appelle un demandoma, les frondes là comme ça là. On tire, bam, on tape sur un oiseau. Ça, c'est quand on est petit. Quand tu vas ouvrir la Bible, le frère, Jésus t'explique que le jour où tu avais frappé l'oiseau là, Dieu avait permis que tu le frappes. Il dit les moines, quand on les voyait, vous voyez, il dit qu'aucun ne tombe sans. C'est ce qu'il a dit dans la Bible, frère. Il dit aucun ne tombe sur la terre sans la volonté de. Donc quand tu te lèves, tu prends le front, tu peux pas. Le Saint-Esprit prend le caillou, choisis l'oiseau que tu dois taper. Et avec cet oiseau, on faisait quoi? On partait, on se cache quelque part, on enlève les pattes, on fait. Après, on jette là, on part, pour notre plaisir de la jeunesse. Donc Dieu entre dans le jeu de la jeunesse. Ça vous fait quoi là, frère? Donc chaque fois que tu as lancé au caillou, ça a touché un oiseau, si tu es content. Dieu a voulu te contenter en permettant qu'un oiseau tombe. Ça, c'est le jeu d'enfant dont Dieu joue avec les enfants. Alors, il dit, tout ce que Dieu le veut dans le ciel, il le réalise sur la terre. Donc, quand il veut n'importe quoi, ça arrive. Autrement dit, rien ne peut exister sans sa volonté. Rien ne peut aller au-delà de sa volonté. Tout ce qu'il a voulu s'accomplira toujours de façon parfaite parce qu'il est parfait. Et il n'y aura jamais de défaillance. C'est ça, n'est-ce pas? Si vous regardez l'appel de Moïse, vous allez voir quelque chose. Vous allez remarquer, beaucoup de serviteurs disent aujourd'hui que non. Moïse, à cause de sa désobéissance, a fait que ça n'entre pas. Qu'il n'entre pas à Canaan. Dans la lecture superficielle de la Bible, pour qu'on fasse comprendre certaines choses par rapport à la désobéissance, on peut admettre, on peut comprendre. Mais quand vous regardez le fond de la vérité, il n'en est rien. Il n'y a pas de cas de Moïse. Quand vous lisez la Bible véritablement bien, vous allez remarquer que Dieu n'a jamais donné la commission à Moïse d'aller faire sortir les Juifs pour les faire entrer en pays de Canaan. Il n'a jamais dit cela. Vous avez vu ça dans la Bible? Il n'a jamais dit à Moïse que va sortir mon peuple pour les faire entrer à Canaan. Il n'a jamais dit cela. Le jour où il les a rencontrés, il dit qu'il va les faire sortir pour qu'ils viennent m'adorer sur cette montagne. N'est-ce pas là-bas qu'il s'est arrêté? Voilà. Donc faites attention. Après, il dit c'est Josué qui va le faire entrer. Parce que Josué, en réalité, veut dire Yeshua, Dieu sauveur. En fait, c'est la personne qui prend pour faire entrer dans la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui devait jouer son type. Celui-ci, c'est Moïse. Celui qui fait pour faire traverser, sauver au travers des eaux. Il devait faire le ministère de baptême de repentance. Délivrant. L'autre, il devait faire entrer. Donc, tout est seulement ordonné. Tout est ordonné. C'est parce que vous saisissez. Ok. Maintenant, j'ai dit quoi le livre déjà? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Oui. Voilà. Voilà. Et la dernière fois, donc, comme le frère a rappelé, nous avons vu que l'apôtre Pierre est allé chez Corneille. Parce qu'en réalité, les dons, comme je dis, les dons, à un certain niveau, vous pouvez rater la chose en élevant celui qui a le don plus que celui qui donne le don. Et c'est malheureusement ce qui se cache au milieu des humains. C'est pas que ce sont les hommes de Dieu qui le font, mais c'est que Satan a élevé un standard avec les puissances au point où, quand les gens voient ça, ils se glorifient. Souvenez-vous de cela. Nous avons vu le chapitre 8, le cas de Simon le magicien, comment les gens glorifiaient vraiment Simeon. Mais tout autour se trouve quelqu'un qui fait les choses spectaculaires, mais qui ne se glorifie pas, et ne se présente pas à la scène. Et c'est dans cela que vous allez regarder le caractère spirituel des dieux des dons. Parce que le don vient d'abord humilier la personne. Donc donne l'humilité à la personne, parce que le don porte la nature du donateur. Le don porte la nature du donateur. Je veux que vous saisissez cela. Regardez, je ne suis pas de dire que vous regardez sur le paysage politique ou le paysage spirituel d'antan. Parce que si vous regardez plutôt physiquement à côté de vous, il se pourrait qu'on se trompe. Regardez, rentrons dans la Bible, regardons. Regardez que tous ceux qui portent le caractère des dons dans la Bible ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas là pour l'extravagance, ni pour le spectacle. Comme on a vu la dernière fois, que le don, ce n'est pas pour le spectacle. C'est pour le caractère. Ça vient humble. C'est ça? Humble, c'est quoi en anglais? Enfin, ça, c'est en anglais, ça. Rendre humble la personne qui porte. C'est pour ça que vous allez voir, donc, comme on a lu dans Actes des Apôtres, chapitre 10, lorsque Pierre a été appelé chez Corneille, lorsqu'il est allé, verset 24, nous avons lu que lorsque Pierre arriva, Corneille allait devant de lui. Il avait fait venir ses amis, sa famille, ses amis intimes réunis. Il est allé au devant de lui. Il s'est prosterné. L'apôtre Pierre l'a relevé, dit que lève-toi quand moi je suis aussi un homme. Observez aujourd'hui, observez la parole, vous allez voir que c'est deux photos différentes. Quelque chose est injecté pour créer la confusion. Regardez ceux qui sont revêtus de l'Esprit de Dieu véritablement. Vous allez les voir qu'il y a la différence. Donc, commencez à regarder au niveau du caractère des dons, pas sur la manifestation des dons. Parce que la manifestation, ça peut être égal. Parce que derrière les dons seront manifestés les attributs des personnalités qui sont derrière les dons. Derrière les dons seront manifestés les attributs de la personne qui donne le don. Si c'est le don de Satan, Satan fait tout parce qu'il cherche la gloire. Dieu ne cherche pas la gloire. Dieu veut les cœurs humbles pour se révéler à eux. Les cœurs humbles. C'est parce que vous me saisissez. Ok. Donc on va voir la bagarre maintenant. Romains chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Cinquième partie donc des appels. Donc, gardez à l'esprit dans ces Romains, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Donc, il a reçu. Donc, les dispensateurs, pour dispenser, il faut avoir reçu. Mettez au service ce que vous avez reçu. Tourne-toi avec quelqu'un, dit, qu'as-tu comme don? Donc, c'est tout naturel. Donc, vous voyez, quand les gens se réunissent, comment le frère là, et quoi qu'il est seul ici, vous comprenez qu'il a reçu le don de Corée. Mais le don de Myriam et d'Aaron. Comprenez, n'est-ce pas, frère? Ah, c'est le don d'Aaron. Il peut faire autrement. Le don de Mimi. Quand il s'assoit comme ça, on lui dit, le Seigneur est magnifique. Regarde comment il a fait pour Israël, comment il nous a délivrés. Waouh, Dieu a été glorifié. Rendons grâce à Dieu, frère, pour ces frères-là que Dieu utilise. Comment Dieu suscite ses serviteurs pour manifester sa gloire, que ton nom soit élevé. Rendons grâce pour cette frère-là et prions pour sa famille. Regardez, ça, c'est difficile que ça s'accomplisse ainsi. Quand on va se réunir, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as même vu pourquoi il a fait sa main comme ça? Est-ce que c'est normal? C'est normal, pourquoi il a fait sa main comme ça? Ok, c'est parce que vous avez la main bougée. Maintenant, si on s'assoit là, on ne dit absolument rien, on regarde seulement. Tu vas voir que qu'est-ce qui se passe? Frère, tu es sûr, comme il est resté calme, il était encore dans son corps. Donc, au lieu de s'asseoir, dit, Seigneur, prions pour tel frère, prions pour telle soeur, pour que Dieu encadre ce don-là pour la gloire de son nom. Parce que Jésus a dit dans la Bible, dans Luc chapitre 10, il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Voilà notre prière. Vous saisissez, nos frères? Alors, on se tient là-bas, on dit, lui parle mieux que qui? Si c'est moi qui prenais la prédication là, je devais décortiquer ça comme ça. Dis à ton voisin, tu es trop fort. Mais Dieu ne t'a pas appelé de ça. Donc, aller chez Dieu pour prêcher, ça ne veut pas dire que comme tu es trop éloquent, Dieu va t'envoyer. Remarquez, prenez Jérémie quand il a appelé. Quand il a appelé Jérémie a dit, comme tu vois là, il y a les souvenirs sacrificateurs qui ont trop fréquenté. Moi, je suis un enfant. Ok, donc tu veux me dire que je ne savais pas que tu es un enfant. Quand tu dis à Dieu que tu sais que je suis un enfant, qu'est-ce que tu as dit? C'est pas pour l'insulter. Tu dis à Dieu que je suis un enfant. Tu sais que je ne sais pas. Moïse a dit à Adam le désert. La Bible déclare que Moïse était quoi? Enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Et il était puissant en œuvre et en part. Donc quand Moïse se présente, ça veut dire que Égyptien, quand on l'a pris dans le désert, Dieu a dit maintenant que descend en Égypte parler, dit j'ai pas la langue parce que c'est parti où? Parti où? Parce qu'il savait la mission qui partait maintenant là. Donc faisons attention. Maintenant, la personne qui était balbutiant, Et il a dit dans Esaïe 28, là-bas, c'est par le peuple, aux langues babylonnes, aux langues baba, que je parlerai à ce peuple-ci. Ah, vous entendez cela? Donc les peuples, il y avait cette langue qu'on ne comprend pas, parce que pour les juifs, quand ils parlent l'arabe, enfin, le, quoi, l'araméen, ou bien l'hébreu, ils sont sûrs que c'est la langue des dieux. Mais quand vous parlez votre bamileke et banganté, il a dit que c'est une langue baba, on ne comprend pas ce qu'il dit. Dieu dit qu'il va les parler par les gentils. Vous voyez ça, frère? Il va les parler par les gentils. Alors, le fait que tu sois éloquent ne veut pas dire que tu peux enseigner. Le seul fait que tu enseignes la mathématique ou bien le français à l'école linguistique ne veut pas dire que tu vas décortiquer le linguistique biblique. Parce que le linguistique biblique se décortique par le Saint-Esprit biblique. Ce n'est pas par l'esprit évangélique, ni de l'école prophétique, mais dogmatique même. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors comment vous pouvez faire que des gens de bas peuple se tiennent là-bas devant un serein sacrateur, ils parlent, ça n'est toujours ce qu'ils les fait sortir, qu'ils tireront les conclusions ici. Qu'est-ce que toi tu penses? Le miracle a été signalé, oui ou non? Oui. Personne ne peut nier. Les faits sont là. Alors il dit, comme des bons dispensateurs, il veut que vous voyez deux volets dans ces versets 10 de 1 Pierre 4, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Un, il y a diverses grâces chez Dieu. Comme des bons dispensateurs, pour dire, c'est des bons dispensateurs. Donc, il n'y a pas une seule grâce. Il n'y a pas la même grâce. Il y a diverses grâces. Il y a diverses. Chacun a sa grâce. Que chacun de vous, c'est ce qui écrit dans ces versets-là, que chacun de vous, c'est de façon individuelle, mettre au service des autres. Le don qu'il a, la question se pose naturellement. Quel don as-tu? Chaque chrétien devrait se replier là-bas jusqu'à ce qu'il ait la réponse. Lorsque tu trouves l'appel que tu es destiné à faire, tu as accompli maintenant. Tu es accompli. Parce que tu peux être maintenant t'atteler à faire ce que Dieu t'attend à faire. Sinon, frère, tu seras en train de faire quoi? Supposons que tu te sois ici à Douala, que Dieu dit que c'est en consommation que tu dois être ou bien à Loé. Ou bien que tu dois être à Djibouti ou bien aux Seychelles. Ou bien à l'île Maurice même. Que c'est là où tu dois être et que tu es à Douala. Tu es où? Donc, regarde quelqu'un, vous le regardez droit dans les yeux. Tu dis, ma soeur, mon frère. Toi, ça, ce n'est même pas ici. Tu m'appelles ma soeur, juste ton soeur, frère. Regarde par là-bas, regarde par là-bas. Il dit, ton voisin me regarde, je suis loin, il me dit, mon frère. Je sais ce à quoi je suis appelé à faire. Dis, qu'est-ce que tu as été appelé à faire? Au lieu de passer de ton temps, mal parler de tes frères. Tirer le nom de tes anciens. Passe le temps devant le Seigneur. Pour savoir ce à quoi tu as été appelé. C'est ça, n'est-ce pas? Chacun a sa signature. Vous avez quelque part, on fait que les gens disent signer. Vous signez, c'est pour dire que la prochaine fois, la signature va te suivre. Que c'est toi qui as signé. Vous avez les empreintes digitales. On met là-bas parce qu'il n'y a pas deux personnes sur la terre qui ont le même empreinte digitale. Pour dire que chacune de vos œuvres, c'est signé de vos mains. Tout ce que vous faites là, vous signez de vos mains. Tout ce que vous faites, c'est signer de vos mains. Donc, vous avez une responsabilité devant le Seigneur. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? La deuxième fois que nous avons lu ici, Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour. On a été créé pour. On a été créé pour. Pour, il dit, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les. Mais c'est quand même terrible. Quelles sont ces bonnes œuvres? Il dit qu'il a préparé d'avance. Donc, cela s'est mis en stock. C'est à côté. Et pour que nous les accomplissions, nous devons accomplir. Nous devons nous atteler à chercher ce à quoi nous avons été appelés. Lorsqu'il a frappé l'apôtre Pierre, Paul sur ces routes-là de Damas, première chose qu'il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Permettez-moi maintenant de m'arrêter avant qu'on lise ces choses-ci pour vous dire quelque chose. Ça va dans ce même sens d'éloquence du fait que si tu as quelque chose, tu as la connaissance de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu as été appelé à faire. Vous devez avoir une commission claire, un rôle clair défini par le Seigneur. Nos rôles ne doivent pas être définis par nos pensées. Parce que quelqu'un fait mal, tu penses que tu peux faire mieux. Non. S'il fait mal, laissez-le prier pour lui. S'il a été appelé à faire cela, il fait mal, priez pour lui. Parce que ce que tu vois comme mal peut être apprécié par toi comme mal. Mais que ce n'est pas Dieu. Il veut que ça pénètre d'abord doucement. Il dit ce que tu apprécies comme mal. Regardez l'apôtre Paul et Barnabas dans Actes chapitre 15. Lorsqu'ils se séparent. L'apôtre Paul dit que je ne veux pas que Marc vienne avec moi pour aller suivre les frères. Marc, c'est un frère. Il passe suivre les frères. L'apôtre Paul dit que je ne veux pas avec lui. Barnabas dit que, mais Paul, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quand même mon cousin. Il dit, ok, si je ne partis pas. Barnabas dit, ok, viens ici, cousin Marc. Ils sont partis en... À l'instant où Barnabas part comme ça, le Saint-Esprit ne le mentionne plus. Mais regardez l'apôtre Paul, quelle est la position qu'il a prise? Mais ce sont les frères. Il y a quoi du mal à cela, ce qu'on amène un frère? Il sait ce qui se cache derrière. Donc, vous pouvez continuer, ah, c'est mal. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il agit comme ça? Au lieu de poser ces questions, allez devant le Seigneur pour vous-même, parce que pour vous, est plus grave que pour lui. Et c'est parce que vous comprenez. Quand tu tends le doigt à quelqu'un comme ça, là, combien de doigts se tournent vers toi? Trois. Donc quand tu fais comme ça, toi, tu as vu telle soeur, regardez combien c'est sur moi. Donc à l'instant où tu tends le doigt à quelqu'un comme ça, là, le doigt part à trois directions. Vers la personne que tu as vue, un, Dieu aussi, tu accuses Dieu. Et les trois accusations sont sur toi. Donc tu reçois trois contre deux. Donc accuser quelqu'un, tu es trois fois plus accusé. Accuser quelqu'un, tu es trois fois plus accusé. Alors la Bible déclare, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et que tu ne peux pas voir la poutre qui est dans le tien? Dis à ton voisin, enlevez d'abord nos poutres. Donc, les gens donc fondent leur ministère relativement ou bien par rapport aux autres. Les gens font leur ministère maintenant par rapport aux autres. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir les gens qui vont dire, il y a des gens même sur Internet, maintenant sur YouTube, qui prêchent des messages. Ils se mettent là-bas, ils disent qu'il faut qu'ils corrigent tel, il faut qu'ils corrigent tel. La question c'est, qui t'a envoyé? Tu peux bon corriger. C'est ça le vrai problème. Tu peux bien corriger. Parce que les gens qui suivaient Jésus-Christ, ils veulent vous montrer quelque chose. Vous ne savez pas l'esprit qui est à cette époque-là. Quand les pharisiens suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ils ne suivaient pas pour suivre son enseignement, pour voir si pour accepter ou bien agréer. Non. Ils suivaient pour regarder s'ils font comme le sabbat, comme la Bible le dit. Et chaque fois, le Seigneur les prenait à contre-courant. C'est tes disciples qui sont là. Ah! Il n'a pas les mains. Voici le jour du sabbat. Ne prends pas ton lit. C'est écrit le jour du sabbat. Ne prends pas ton lit. Maintenant, regardez bien cet exemple-ci. C'est écrit que ne prends pas ton lit, mais Jésus a dit, prends ton lit. Il a dit, prends ton lit. Maintenant, s'il vient devant le Seigneur, Jésus dit, qu'est-ce qu'il voulait dire par prendre ton lit? Est-ce qu'il a l'explication? Mais maintenant, comme il a régressé cela, je vois que la Bible dit que tu dois prendre ton lit le jour du sabbat, tu ne dois pas marcher. Devant Dieu, est-ce qu'il pourra juger Dieu par rapport à sa loi? Donc, dis à ton voisin, fais attention. Le fait, c'est que quand le Seigneur rencontre quelqu'un et que Dieu rencontre cette personne-là, sa vie n'est plus même. Il peut agir de façon incompréhensible aux yeux des hommes. Et c'est ces vagues-là que Dieu a préparé sur la terre. C'est pour cela que ça va sortir hors de toute façon du système dénominationnel. Il faut que ça soit nettoyé. Nettoyé. Vos vieux bagages-là, ça doit quitter. Donc, le modèle n'est pas un modèle sur la terre. Le modèle, c'est pas ce qui en est arrivé, c'est pas un modèle sur la terre. C'est pour ça qu'il dit la dernière fois que quel qu'en soit les prophètes qui se trouvent sur la terre, ça n'a rien à voir parce que eux-mêmes s'ils sont encore là, ils seront étonnés. C'est un nouveau vent. Souvenez-vous, l'ancien temple et la nouvelle temple. Si n'importe quel marché maintenant, c'est normal. C'est le vestige de l'ancien temple. Le nouveau est en train d'arriver. Quand le nouveau va arriver, ça sera autre chose. D'accord, frère? Alors, voici ce qui se passe. Au lieu de passer le temps à gossip, gossip, c'est quoi en français? Calomnie, voilà, calomnie. Au lieu de passer le temps à calomnie, dis seulement qu'on a pour le Seigneur, que veux-tu que j'aie? Efface, c'est je qui dois faire. Maintenant, si quelqu'un fait mal, toi fais mieux. Si quelqu'un fait mal, toi fais mieux. Tu n'as pas, Dieu n'a pas montré que regarde, celui-là fait comme ça. Tu as vu comment telle soeur a fait comme ça là. La soeur là, elle n'est pas bien habillée, sa cuisse était dehors aujourd'hui. Demain, tu portes ta part, c'est tes fesses qu'on voit. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas si vous saisissez. Ah, vous ne voulez pas qu'il parle. Amen. Vous avez moi, vous là. Amen. Bon, je crois qu'il faut que vous lisez. En lisant là, Romains chapitre 12. J'ai tenté de vous la dire ici. Le fait que quelqu'un fait mal ne veut pas dire qu'il n'est pas de Dieu. Parce que si vous regardez les acteurs de la Bible, vous allez voir qu'il fait mal. Alors, Actes chapitre 10, lorsque Pierre a eu la commission d'aller chez Corneille, en tant que juif, il ne veut pas y aller. En fait, même les chrétiens qui étaient chez les juifs, lui ont posé la question. Que tu es, donne-nous expliquer ces choses-ci, toi qui es le capitaine d'équipe, tu as un demi jusqu'à ce que tu allais chez les païens. Mais il avait une rencontre avec le Seigneur pour briser ces barrières-là. Vous voyez? Mais Dieu n'était pas obligé d'aller leur expliquer que non, c'est moi qui ai dit à Pierre qui parlait, restez calme, hein, vous devez écouter ce que Pierre a dit. Il a dit, j'étais là-bas, j'ai expliqué, j'ai vu, Dieu m'a dit que va, je me suis levé, je suis parti. Alors, je veux que vous imaginez l'état d'esprit de ces personnes qui savent que les juifs et les païens n'ont pas de part. Et que quelqu'un se tient là et dit que Dieu m'a dit de partir. Et ils ont accepté. Hein, frère? Ils ont accepté. Ils ont accepté. Il dit, c'est écrit que les Juifs et les païens n'ont pas de part. Ils se tiennent là, ils disent, j'étais sur là-bas, Dieu m'a envoyé quelqu'un, il dit, lève-toi pas, je me suis levé, je suis parti. Il dit, par conséquent, pouvais-je m'opposer à Dieu? Est-ce qu'il pouvait m'opposer à Dieu? La parole pouvait m'opposer à Dieu pour dire que je n'ai rien à voir là-dedans. Mais je veux que vous regardiez ce qui peut se passer dans la tête de ces personnes qui ont accepté. Avec la forteresse. La loi interdit clair. Mais le voici maintenant. Alors, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit hein? Maintenant, voici ce qui se passe dans aujourd'hui. Quand quelqu'un ne perçoit pas ça intellectuellement, parce qu'il n'a pas été visité par le Saint-Esprit normalement, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est même pas le mieux. Il dit que, il t'avait dit que Pierre, si. Jésus l'avait appelé vrai, vrai, mais il s'est détourné. Que si tu veux que tu continues à le suivre, je ne suis pas là. Mais il va créer maintenant les chrétiens affranchis avec la séparation juive pleinement. Pour dire que c'est sa nouvelle dénomination là. Là-bas. Alors vous voyez, quelqu'un sort d'une dénomination pour fonder une dénomination. Les gens grandissent avec lui. Un jour, eux aussi sortent, ils ne sont plus d'accord avec lui. Comme tu sors sans être d'accord avec quelqu'un, quelqu'un sortirait chez toi sans être d'accord avec toi. Souvenez-vous de cela. Aucune dénomination, fût-il les sectes, ne peut rester inerte. Tous seront sectaires. Puis quand tu as divisé, tu vas continuer à diviser. La division est indéfinie. Et c'est infini. Donc, c'est pour ça que les francs-maçons eux-mêmes sont séparés. Les rosicruciens, il y a le rose-croix d'or, il y a le rose-croix à mort. Ils ont des semblables des choses, mais ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est chez Satan. Il dit que non, vous avez exagéré avec votre rituel. Ça, c'est quand même terrible, ça. Alors, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Si vous créez votre propre dénomination, vous faites ça pour vous. Quelqu'un dit que c'est pour ça que je me suis fâché. Je suis sorti là-bas. Après, on met le nom de Dieu dedans. Dieu m'a convaincu que je dois commencer une œuvre. Ça, c'est le mensonge du diable. C'est si. Ça, sans consulter le Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as convaincu qu'il sort? C'est le mensonge du diable. Parce qu'il y a les règles de l'écriture pour quitter un lieu. Il y a les règles de l'écriture. Si tu ne quittes pas, comme l'écriture dit, tu es dans le plan du diable en train d'avancer. Et c'est pas vous, c'est ici. On va y revenir. Quoi, prochain enseignement, Dieu voulant, on va. Les manières de quitter une église, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit faire dans un milieu pour que tu puisses quitter le milieu? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ou bien qu'est-ce que quelqu'un doit faire dans un milieu pour qu'on puisse le mettre à l'écart de ce milieu? Il faut qu'on voit ça dans la Bible. Pour que désormais, je ne suis pas d'accord, je sors. Sors. Souvenez-vous, dans l'Assemblée du Seigneur, Jésus-Christ, les gens ne savent pas d'art. Il a une prédication qui a amené une nouvelle doctrine là, qu'on disait qu'il faut. Désormais, on mange la chair ici, on boit l'eau. Ça, on dit que notre doctrine là, c'est ton église là-bas. Moi, je ne suis pas sur ça. Ils sont pas. L'église a continué, frère. Ça continue. Ça continue. Son corps est indivisible. Dans les dénominations, si quelqu'un a formé une dénomination, il va toujours former l'autre dénomination. Et remarque très bien, c'est pour cela que quand je dis chaque fois que c'est l'église, puis vous croyez que je blague, prenez une dénomination qui veut laisser créer à cette heure-ci. Posez la question du pasteur où il sort. Il va te dire qu'il sort de l'église baptiste. S'il sort de l'église baptiste, il aura des aspects de l'église baptiste là-bas. Parce qu'il peut reposer que ce qu'il a reçu avec des modifications nouvelles maintenant, des révélations sataniques. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc vous prenez, vous mettez chez le baptiste. Les révélations sataniques qui sont là-bas, vous allez voir ça dans d'autres dénominations. Vous les prenez, mettez ensemble. Et faites comme on prend un petit plan, on met dans le grand. Petit plan, on met dans le grand. On commence à rentrer. Quand ils vont se réunir, ça va vers la fin. On va trouver deux qui se ressemblent. Catholiques et protestants. Donc ils découlent de là. Quand je vois faire la prochaine séance que ça va entrer chez les protestants, lorsque ça s'est incorporé, ça absorbe, vous voyez que les protestants ne peuvent entrer que chez les cathos. Vous prenez maintenant, vous êtes catholique, ça veut dire que vous êtes revenu à la maison. Donc, ce n'est que la suite des reproductions. Ce sont comme une mère au monde d'un enfant. L'enfant continue à accoucher. Donc, si vous prenez le dernier enfant, vous mettez dans le ventre de sa mère. Vous prenez les deux, vous mettez dans le ventre là-bas. L'autre que vous venez de mettre, il avait deux enfants dans son ventre. La mère et le petit-fils, pas vrai? Vous le prenez, vous mettez là-bas. Vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Vous allez voir le père original. J'espère que vous comprenez ce que j'en ai dit. Voilà. Donc, si tu as la pensée que je m'avais créé ma part, je peux savoir sans risque de me tromper quelle pensée t'anime. Parce que le corps de Christ n'est pas. Les dons sont dans le corps, pas hors du corps. Les dons fonctionnent dans le corps, pas hors du corps. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que je sors pour aller créer maintenant le ministère des dons et des guérisons. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas sortir hors du corps de Christ et dire que tu es dans le corps de Christ. Que c'est parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Et l'apôtre Paul passe le temps ici à expliquer. Que s'il leur dit que je ne suis pas du corps, que je ne suis pas d'accord avec toi, et oh frère, faisons attention. Faisons attention. Il dit que Dieu a tout mis en place comme ça pour que les uns soient les uns les. Les gens disent que non, aujourd'hui là, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, je crois que c'est la dernière fois que nous avons pris trois personnes ici. L'un qui prêche bien, l'autre qui exhorte, l'autre qui prêche, les gens guérissent. Si Dieu ne t'a pas donné le don de guérison, tu pars chez le marabout chercher le don de guérison pour venir faire quoi? Mais le créer chrétien. C'est pas pour toi. Alors, glorifie Dieu le fait qu'il a donné le don de guérison à celui-là. Et si tu n'as pas le don de guérison, tu vas vous prier n'importe comment, quelqu'un ne guérira pas. Et s'il murmure, Dieu va toujours continuer à le bénir davantage. Le murmure va augmenter. Vous savez l'histoire que je vous ai racontée ici une fois, il y a un garçon qui était tellement aigri de son voisin. Il haïssait son voisin de telle enceinte qu'il souhaiterait que son voisin meure. Mais le vrai problème, c'est que le voisin était chrétien, lui était chrétien d'une autre dénomination. Il prie chaque fois. Vous savez comment on prie, on balance les amis, on balance les amis, on balance. Il dit, Seigneur, ah, ton voisin est là. Un jour, Dieu s'est révélé à lui, il dit, ok, qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi? Écoutez bien la question. Dieu lui pose la question, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Il dit que, Seigneur, veux que tu me fasses... Quoi? Il demandait quelque chose à Dieu. Il priait pour demander une grâce à Dieu. Dieu est venu, il dit, ok, la condition que je te fasse ça, c'est qu'il fasse le double à ton voisin. Il dit, mère. Donc, je vais répondre. Dieu dit, je ne veux pas discuter loin. Je suis prêt à répondre à ta prière. Mais la seule condition pour qu'il réponde à ta prière, c'est que quoi que ce soit que tu demandes, si tu donnes, je donne le double à ton voisin. Le gars dit, c'est demande 1 milliard. Le gars 2. Il dit, jamais. Si je demande un immeuble, le gars 2. Si je demande 5 enfants, le gars va 10. Vous savez ce qu'il a dit, frère? Il dit, Seigneur, crève-moi un œil. Vous voyez comment quelqu'un peut être méchant, pas vrai? Il dit que le Seigneur fait quoi? Parce que pour l'autre, on sait comment? Il sait que celui-là, il dit qu'au moins, avec un œil, il va voir comme ça que. Il dit que l'autre là, c'est bien fait pour lui. Comme ça, il va maintenant faire comme ça pour ne pas voir. Ah, faisons attention. Faisons attention. Lorsque nous voyons Dieu en train d'utiliser quelqu'un, prions seulement pour lui. Et souvenez-vous, quand vous lisez Apocalypse, vous allez lire effectivement que. Les prières des saints arrivent dans une coupe où les anges présentent au Seigneur. La Bible dit que ce sont les prières des saints. Donc, si on t'appelle saint, aucune de tes prières n'est perdue. Mais imaginons quel type de prière on va envoyer devant Dieu. Quand on prie que Seigneur, que mon voisin meurt. En prise de chair, j'ai prié, frère. Donc, l'ange va aussi pour dire que frère, que ce père, celui-ci demande que son voisin meurt. Dieu va aussi me demander que c'est quel prière que tu m'amènes chez moi. N'est-ce pas, il a dit sur la terre que priez pour vos ennemis. Donc, faisons attention. Prions les uns pour les autres. Ne soyons pas ennemis les uns les autres. Nous n'avons pas l'ennemi en milieu chrétien qui sont les chrétiens. Nous n'avons pas d'ennemis chrétiens, frères. Nous n'avons pas d'ennemis chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, et que les disciples avaient dit que quelqu'un invoquait son nom, on a dit qu'allons, on peut le tuer. On envoie l'attirer sur le feu là-bas. Il a laissé l'être tranquille. Qui parle de mon nom? L'apôtre Paul a dit, quand il parlait de ces gens-là qui prêchent le nom de Jésus pour avoir le ventre, il a dit que leur fin sera la paix. Il a dit que leur fin sera la perdition. Mais de toute façon, ils font la publicité pour notre Seigneur. D'accord? Mais alors, nous, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Nous, au milieu de nous, on doit extirper du milieu de nous l'ivraie. On doit extirper du milieu de, du milieu. Je ne sais pas si vous saisissez. On doit extirper du milieu de nous le levain. Ça ne doit pas se retrouver. C'est ordonné que le levain ne se trouve pas au milieu. Ce n'est pas compatible entre le levain et le pain sans levain. Ça ne doit pas être là. Il faut que l'enseignement soit sans levain. Il faut que l'enseignement soit sans faux enseignement, sans fausse doctrine. D'accord? Donc, si vous voyez une grâce sur quelqu'un, priez pour lui. Priez parce que vous savez ce que Dieu a en réserve pour vous. Quand vous dites, oh Seigneur, pourquoi tu lui donnes l'enfant? Son problème, c'est quoi au juste? Pourquoi je prie depuis que tu ne me donnes pas l'enfant alors que l'autre là? Oui, tu vas faire comme ça, tu vas entendre les journaux même où les sorciers ont versé l'enfant à la poubelle, les prostituées ont tué les enfants. Tu dis encore que ouais, voilà les enfants cachés, ils sont rejetés. Hey, Seigneur, tu les promets une fois. Tu commences à continuer avec les mauvaises prières comme ça. D'accord? Constatant une grâce, un don dans la vie de quelqu'un, ne devrait pas nous pousser à murmurer, mais devait nous pousser à rendre grâce pour l'œuvre qu'il continue à faire et réaliser au travers des hommes. Amen. D'accord? Amen. Constatant une grâce dans la vie de quelqu'un, des enfants du Seigneur, un don se manifestant pour l'utilité commune, on ne devrait pas murmurer contre cette personne, ni désirer cette personne. Parce que dans la Bible, sous le deuxième commandement, il dit que tu ne dois pas désirer le bien de quelqu'un. C'est interdit dans les commandements, dans les 10 commandements, frère. Tu ne devais pas convoiter les biens d'une personne, parce que les biens des personnes, c'est pour lui, Dieu lui a donné la grâce. Donc de la même façon, dans le corps de Christ, on ne doit pas se jalouser. Tu ne dois pas désirer être à la position de quelqu'un. C'est une chose mauvaise, c'est inspiré par un esprit impur. Parce que chaque personne a une place et un rôle dans le corps. Toute personne qui désire prendre la place de quelqu'un est un intrus, inspiré de mauvais esprits. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tu ne peux pas commencer à prier. Par exemple, tu es une femme, tu pries que Seigneur, je prie que telle soeur s'y meure pour que ton mari me voie. Vous pouvez prier comme ça, frère. Est-ce que vous pouvez prier comme ça? C'est ce type de prière que vous faites en disant que Seigneur, pourquoi donne-moi le don que celui-là a, pour qu'il soit comme lui. C'est ce que vous en avez fait en réalité. Comme toi, il faut que celui-là quitte la scène. Et tu aimerais être à sa place. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Prions, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel est mon rôle? Laissez-le vous mettre à votre place, à sa place, la place qu'il a décidée pour vous. D'accord? Amen. Romains chapitre 12. Nous sommes en train de voir la cinquième partie des dons spirituels. D'accord? Nous sommes en train de voir la cinquième partie des dons spirituels. La dernière fois, nous avons lu effectivement ces dons, Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Nous avons vu comment elle a dit, je vous exhorte donc par la compassion de Christ. Je crois que vous avez été là quand nous voyons ça, n'est-ce pas? Je vous exhorte donc par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons vu ça la dernière fois. Puis dit, ne vous conformez pas donc au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous nous sommes attelés à parler en disant que pour avancer avec Dieu jusqu'au niveau de ce qui lui est agréable, il faut premièrement que ton corps lui soit offert comme ton culte. Donc il faut que tu comprennes que tu perds autorité sur ton corps. Et par conséquent, écoutez très attentivement. Très attentivement, je veux que vous gardiez ce point-ci. Je veux que vous gardiez ça, que vous ne ratez pas là. Par conséquent, tous ceux que Dieu utilise avec les grâces spirituelles dans leur vie sont les gens qui ont perdu le droit de vie de leur vie. Tous ceux que Dieu utilise avec ces dons spirituels-là, ce sont les gens qui ont perdu le droit. Autrement dit, qui acceptent ce qu'on appelle en anglais le lordship, la souveraineté de Dieu dans leur vie. C'est le Seigneur qui roule, qui gouverne leur vie. Dieu ne donnera pas sa grâce et son don à quelqu'un qui a des cœurs départagés. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il doit œuvrer dans sa formation pour toi, pour pouvoir être prêt à accomplir ce pourquoi il t'appelle. Vous ne pouvez pas sortir comme ça, comme le champignon directement. Vous commencez à faire parce que tu vas avoir vu quelqu'un faire. Vous êtes un imitateur et un usurpateur. Vous vous trouvez là où vous ne devez pas être. Alors tu fais ta chose par rapport à quelqu'un. Par conséquent, tu veux faire comme la personne. Vous avez une tâche unique qui vous est propre. Personne ne fera cette tâche si ce n'est vous et vous devrez le faire. Retrouvez donc cette tâche. Retrouvez cette tâche. Attelez-vous à retrouver cette tâche jusqu'à ce que vous la retrouviez pour enfin l'accomplir. Sinon, vous quitterez la terre en laissant quelque chose. Quand vous demandez la fin de votre parcours sur la terre, le bilan, vous direz quoi? Que sur la terre était banquier, il a poursuivi le bandit. Le voisin, là, c'est moi qui avais travaillé avant qu'on arrête le bandit. Seigneur, bien fait, j'ai sauvé leur vie. Tu es pour sapeurs-pompiers. Il a dit que les sapeurs-pompiers, ce sont leur rôle là-bas. Dans le corps, quelle est ta place? Tu peux faire n'importe quoi bon dans le monde. Pour séculier, pour vivre. Ça, c'est bon. Parce qu'il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Quand tu es chrétien, il a dit, comme des bons dispensateurs de différentes grâces de Dieu, diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu. La question, c'est qu'est-ce que tu as reçu? Il n'y a pas de chrétien sans don. Parce qu'il a dit diverses grâces. En quoi est-ce que tu es bon? Si vous ne connaissez pas, rentrez devant le Seigneur. Rentrez devant le Seigneur parce que découvrez ce pourquoi vous avez été appelé, vous découvrez automatiquement le don attaché à cet appel. Le désir de vouloir chercher ce pourquoi Dieu t'appelle, c'est le désir de retour vers le Créateur. C'est le désir de retour vers le Créateur. Romains chapitre 12, donc, verset 3 et suivant. Romains chapitre 12, verset 3 et suivant. Par la grâce qui m'a été donnée, remarque comment l'apôtre Paul commence encore. Donc, regardez ce qu'il veut faire ici. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, donc une grâce lui a été donnée. À partir de cette grâce-là, il peut s'appuyer dessus pour faire quelque chose. Ce qu'il va déclarer, c'est à cause de la grâce qui lui a été donnée. Il dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je veux que vous compreniez ce qu'il est en train de dire. Lorsque les portes sont fermées, on va monter, escalader un mur, on met les escaliers, l'échelle. Donc, il s'appuie sur l'échelle pour pouvoir monter. Donc, ici, l'apôtre Paul s'appuie sur la grâce qu'il a. Il dit par la grâce, par la grâce. Il parle au travers de là. Parce qu'en réalité, s'il dit de telles choses qu'il va déclarer là, on va lui poser la question, tu parles en tant que qui? C'est la question qu'on va lui poser. Regardez, Et un démon a dit à un autre que le Paul que vous parlez là, moi je le connais. Il connaît qui il est. Donc je connais qu'il a été appelé. En fait, il a, le même démon a parlé dans un autre humain que ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voix de Dieu. Le démon vient de dire que les gars-là sont dans leur ministère. Vous venez me dire d'écouter. Si vous nous écoutez, donc, même si le démon dit comme ça, vous écoutez, le démon allez en enfer, c'est votre problème. Ils vont dire là-bas qu'on vous avait averti de ne pas venir ici. Amen. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit. Remarquez bien. Ici, le verset s'y parle de façon individuelle. J'ai dit à chacun de vous, dis à ton voisin, y compris toi. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Vous avez vu ça, frère? C'est l'église, ça. Donc la propagande dit que, connaissant l'appel que j'ai reçu, vous, faites attention de ne pas croire que vous êtes trop important. Ne croyez pas que vous êtes trop important, que vous êtes le plus important. N'allez pas une trop haute opinion de vous. Vous y êtes? Maintenant, mais de revêtir des sentiments modestes. Vous avez vu ça, frère? Selon la mesure des fois que Dieu a départi à l'apôtre Paul. Ah? Donc, Dieu a départi à? Selon la mesure des fois que Dieu a départi à? Je ne sais pas si vous saisissez ce que l'apôtre Paul a dit. La mesure des fois que Dieu a départi à? Donc, la mesure qu'il a mis ici. Mettre ici, mettre ici, mettre ici, mettre ici. Ça a des diverses orientations. Ça a des diverses orientations. Maintenant, puis j'explique maintenant. Car comme nous avons plusieurs membres, ils rentrent dans ton corps. Que, si c'est difficile spirituellement de comprendre, il vient sur le plan physique. Pourquoi tu ne dis pas que je ne comprends pas ce qu'il dit? Il dit, observe ton corps physique. Comme tu as plusieurs membres dans ton corps là, et que tous tes membres n'ont pas la même fonction. C'est pour ça qu'il dit au départ, la guerre de position, la guerre de fonction. Chacun veut être prophète, apôtre aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui ont passé le grade pour aller venir au niveau des apôtres. Vous avez quelqu'un que vous avez vu 2 mois, il était pasteur, maintenant vous entendez, il est apôtre. Il dit, comment vous avez été apôtre? On dit maintenant qu'il y a eu la convention qui a été organisée là-bas. Le général Ovassia l'a élevé au rang d'apôtre. C'est quand même terrible l'église d'aujourd'hui. Regardez bien. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, frère souligné. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Dans le corps de Christ, tous ne sont pas appelés à prêcher. Tous ne sont pas appelés à enseigner. Vous suivez ça, frère? Donc, allez-vous confronter. Oh, merci Seigneur. Je crois que l'assignment, le travail qui a été donné aux hommes concerne ces choses-ci. Waouh, je ne savais pas cela. Je voulais dire que faites comme ça et puis ça me revient là. Donc, l'assignement, l'exercice, le travail qui vous a été donné, en fait, ça vous oriente dans ce domaine-ci. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez savoir ce que vous faites. Regardez ici. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres, nous sommes au verset 4 là, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, il en dépend le corps physique pour nous faire comprendre quelque chose. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous, cette fois-ci maintenant chrétiens, les chrétiens sont plusieurs, n'est-ce pas? Les chrétiens sont plusieurs dans le monde entier, pas vrai, frère? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul en Christ. Donc, tous les chrétiens comme ça, là, si on les réunit, c'est un. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Puis dit, et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, regardez le corps de Christ, qu'on appelle l'église, comme votre corps-ci physique. C'est pour ça que la dernière fois, vous avez dit que, regardez, vous avez remarqué que la seule chose qui est élevée, c'est la tête. Ça représente le Christ Jésus. Tous les autres sont en bas. C'est la représentation des membres. Mais le tout englobé forme ce qu'on appelle le corps. On avance. Maintenant, puisque nous avons des dons identiques, pardon frère, différents. Ok. Alors, si nous avons le don différent, ça commence à poser des problèmes véritablement dans l'église de cette époque-ci. Je veux qu'on s'entende. L'apôtre Paul, mon grand frère, dit là-bas que puisque nous avons les dons différents, je vais prendre cela en langage séculier avant qu'on puisse comprendre. Dans le monde, on dit chacun a son talent. Vous avez déjà vu un joueur de football commencer à aller faire la médecine pour injecter les gens, frère? Même s'il ouvre un cabinet de médecins quelque part, il emploie les médecins pour qu'ils viennent travailler là-bas. Parce qu'il a l'argent, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais si vous venez lui-même dans son cabinet, vous voyez, il te porte, comme je dis chaque fois, il porte la blouse, il dit que tourne ton derrière, viens mettre les fesses. Même vous, vous allez quitter, non? Alors, parce que son talent, ce n'est pas cela. Mais il y a d'autres dans le monde qui sont spécialistes en neurologie, où quand il te touche, quand vous le voyez, il porte d'abord sa blouse comme ça, là. Vous faites d'abord un ouf de soulagement. La maladie à 50% par son regard. Quand il te touche comme ça, il dit que, madame, tu n'es pas malade, ce n'est pas grave. 25% par encore. C'est pas ça, frère. Parce qu'il a ce talent-là. Mais prenez un aventurier. On les appelle au quartier docteur. C'est eux qui font avorter les filles. Ils gardent les reins chaque fois pour qu'on vienne comprendre, pour que Dieu remplace. Parce qu'ils ne sont pas appelés à ces domaines-là. D'accord? Mais maintenant, cet exemple de ceux qui vendent des médicaments ambulamment. Remarquez tout de même qu'il s'est créé un corps de médecine pour pouvoir sécuriser ce rôle de métier de médecin. On appelle ça l'ordre des médecins. De telle façon que pour que tu sois agréé comme médecin, il faut que tu appartiennes à cet ordre-là pour qu'on se reconnaisse qui est qui fait quoi, pour que ça ne soit pas souillé. J'arrive là maintenant avec le corps de Christ. Maintenant, ceci est sécurisant. Si un intrus se trouve en milieu et qui entre d'une certaine façon et qu'il exerce et qu'on voit des plaintes chaque fois, on va analyser les plaintes contre cette personne pour voir si ses connaissances et les diplômes qu'il a présentés sont conformes à ce que la norme du corps désigne. Pas vrai? Mais au milieu chrétien, c'est le laisser aller. Au milieu chrétien, c'est le laisser. Pourtant, ça devrait être le groupe qui est parfait. Parfait où la référence devrait s'y être référée pour faire n'importe quel domaine de la vie. Chacun fait n'importe quoi. Un pasteur se lève dans une conférence où il y a des pasteurs, prêche un message. Le prochain pasteur qui vient prêche le message contraire à cela. Toujours en disant Amen, que Dieu m'a révélé ceci. Dans la même conférence. Après, il sort, il se bagarre par derrière. Vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Chez les médecins, quand vous voyez, vous venez dans un corps médical qui se respecte, vous voyez que chaque département a ses spécialités. Quand vous venez, vous dites, ah, j'ai le mal des dents, ça fait le mot de tel ici-là. Le médecin a dit, je t'envoie chez tel docteur. Va voir le dentiste qui est à tel endroit, je te recommande tel dentiste. Vous allez là-bas. Parce que lui ne vous traite pas les dents. Il est dermatologue. Donc, ça passe là, les peaux. Là-bas, les peaux, on ne prend pas les arraches-clous pour pouvoir travailler sur les peaux. C'est celui qui a les dents là, qui écarte les dents, il met les trucs dedans comme ça, dit que c'est quoi là-bas, il envoie les rayons là-dedans. Lui ne fait pas cela. Alors lui va regarder ta nature et ses peaux, si c'est un fungus, humulus, qui est sur ça. Il regarde, il voit, regarde, il pose la question. Pendant qu'il fait, il dit que l'eau avec laquelle tu te laves, tu es près d'un marigot, tu dis oui. Tu te laves avec le puits, est-ce que le puits est javelé? Il dit non. Pendant qu'il est en train de décrire, les questions montrent qu'il connaît son métier. Mais un chrétien aujourd'hui, qui n'est pas appelé à l'enseignement, tu dis que le fruit, le péché originel, c'est quoi? Il dit que moi, je vais te démontrer que c'est le fruit, c'était rouge, la pomme rouge. Après, il va dans la Bible, il ne voit pas que c'est le rouge. Il dit, attends, je reviens, il m'a vu voir mon pasteur. Qu'il m'envoie son pasteur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que si je n'ai pas été appelé à faire cela, tu n'es pas obligé de répondre. Ne pas répondre, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une faiblesse. Tu te limites dans ton territoire. Vous savez, n'est-ce pas? Un policier qui n'a pas le droit de signature, vous venez avec une plainte, il veut porter plainte, puis les commissaires sont fermés. Même s'il est policier, il n'est pas habilité à signer. Ce n'est pas parce qu'il va vouloir vous faire, parce qu'on a fermé tout le commissaire qu'il doit signer. Parce que, malgré qu'il soit policier, la loi ne lui donne pas le droit de porter sa signature. Et même s'il faut porter la signature, il y a un intervalle de temps réglementé pour cela. Vous ne viendrez pas à 18 et vous signez un papier. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Je recommence encore. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Dans l'église, c'est que, ah, qui parle là? Je pose la question. Est-ce qu'on doit respecter seulement ceux qui prêchent? Est-ce qu'on doit seulement respecter ce qu'on appelle enseignants de la parole? Souvenez-vous de ceci. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui méprisera l'un de ces petits qui croient en... Voilà. Souvenez-vous de cela. Le Seigneur Jésus a dit que si vous méprisez l'un de ces petits qui croient en moi, c'est moi, à moi que vous avez fait cela. Donc, quand on disait que, non, ne parle pas contre les serviteurs de Dieu. Allons-y dans la Bible, hein? 1 Pierre. Mettez le doigt ici, on va y revenir. 1 Pierre. On y va. Allons-y, lisons encore le verset 10, chapitre 4 de 1 Pierre. Il va lire doucement, on va avancer quelque part. On y va. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. En fait, ce qu'il a dit, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, là, en réalité. Maintenant, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles des... Donc, n'allez pas tirer le nom de quelqu'un en parlant mal, parlant contre lui. Donc, si tu dois parler, que ce soit pour annoncer les oracles des dieux. Si quelqu'un remplit... C'est l'apôtre Pierre qui a dit parler. Regardez, écoutez-le parler. Et tout à l'heure, vous avez écouté son frère parler. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que son église a communiquée. Que quoi, frère? Qu'il remplisse selon que... Ah, je crois que c'est l'assemblée a décidé. Ou bien que le archevêque a dit que c'est chez nous ici, le règlement intérieur dit ceci. On dit c'est selon la force que Dieu a communiquée. Voilà, maintenant regardez. Afin que, en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Alors la question maintenant c'est, dans nos actions, si les dons viennent de Dieu, et que les grâces et les appels viennent de Dieu, ça va honorer et glorifier Dieu. Le but de cela, ce ne sera pas pour se présenter, mais pour que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé de plus en plus. C'est pour ça qu'il dit que vous pouvez, en voyant le, tout à l'heure j'ai dit, en voyant le don se manifester, vous pouvez regarder l'attribut de la personne qui l'a inspiré. C'est pour ça qu'il t'a dit. C'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que derrière cette grâce-ci, Christ Jésus a-t-il été honoré? Si c'est non, ça a été une mauvaise inspiration ou bien une mauvaise utilisation de l'inspiration. D'accord, frère? C'est pas terminé. Regardez. À qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles? Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. On va y revenir. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Écoutez, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Vous y êtes? Lise la suite, mon frère. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, oui, ou voleur, oui, ou malfaiteur, oui, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Oui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, oui, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous entendez ça, frère? Vous entendez? Que le jugement va commencer par qui? À quand ça? Quand ça va commencer? Le moment, c'est le moment. Donc, dis à quelqu'un, fais attention. L'église n'est pas la cour du roi Pétou. Vous appelez quoi? Pétou. Le roi de Pompidou, même, ou de n'importe qui, de Charles de Gaulle. Donc, ça veut dire que les règles, comme l'apôtre Paul a dit dans ses livres de 1 Pierre, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, il dit afin que si tu tardes, ou si tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, l'église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il y a un comportement. Il dit que tu saches comment se conduire. Il y a une conduite dans l'église. L'église n'est pas un cours de désordonnée ni de désordre, parce que Dieu qui l'a engendré n'est pas un Dieu de désordre. Et par conséquent, il a ordonné toutes choses comme tout dans l'univers est ordonné par lui. Il a ordonné toutes choses et toutes choses est ordonné par lui dans le corps. Il dirige toutes choses. Donc, l'attention du ciel est sur le corps. L'attention du ciel est sur le corps. Le corps doit marcher en harmonie. Donc, faisons attention afin que les casses ne viennent pas. Il dit que c'est l'heure où le jugement commence par la maison du Seigneur. Puis il dit, si ce n'est pas nous que ça commence, que deviendra l'impieux et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Rendons dans Romains chapitre 12. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Remarquez maintenant la façon qu'il utilise ici. Tout à l'heure, quand il commence au verset 4, il dit selon la grâce qui m'a été accordée. Vous avez vu? Il a la grâce. Maintenant, ici, il dit, puisque nous avons des dons différents. Vous avez vu ça, frère? Selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, selon ta grâce, tu as un don différent du mien. Vous me suivez? Maintenant, puis il dit ici que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ah, je vais prendre le temps pour expliquer ceci parce que c'est assez important. Il dit que celui qui a le don de prophétie, c'est par là qu'il commence dans l'église. Dans la sixième partie, je vais développer ici l'aspect de prophétie. Je vais vous expliquer beaucoup de choses concernant la prophétie. Donc, on a commencé à toucher. Jusqu'à, on va mettre encore des vidéos là pour voir par rapport dans les délivrances, la manifestation des dons de puissance. D'accord? Mais avançons ici, il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la... Maintenant, le don de prophétie, quand on dit c'est un don, donc ça veut dire que c'est donné. Dieu donne à quelqu'un pour qu'il l'exerce, n'est-ce pas? Donc c'est une responsabilité. Quand Dieu veut manifester quelque chose au travers des prophéties, il utilise celui-ci pour le faire. Donc ce n'est pas celui-ci qui décide pour prophétiser. C'est donc pour ça que vous voyez, les chrétiens ont fait que les pasteurs deviennent maintenant des prophètes. Vous entendez quelqu'un où ça vous dit que pasteur, il n'y a rien pour moi. Il dit pasteur, il n'y a rien, tu n'as rien reçu de Dieu pour. Il fait que le pasteur se devient un prophète. Faisons attention. Faisons attention. Au sortir de cet enseignement, si on va avancer, je crois que je vais avoir le temps de travailler avec vous, les hommes aussi ici, pour qu'on puisse nettoyer certaines choses, d'accord? Et on avance pour que chacun entre de la bonne façon. Il dit, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a reçu le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que conformément à la règle de l'écriture. Que la personne l'exerce conformément à la règle de l'écriture. Comment dans l'écriture ça doit s'exercer? Selon l'analogie de la foi. On avance là. Maintenant, regardez. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son... Non, mais c'est quand même curieux comme recommandation. C'est là, ça, c'est l'écho. Ça vous sonne bien par avec aujourd'hui. C'est que l'apôtre Paul écrit là. Ça vous sonne vraiment bien dans vos oreilles avec le discours d'aujourd'hui qu'on tient. Alors, dans ce cas, comment on peut former un groupe de personnes pour aller enseigner? Expliquez-moi alors. Et lui, dans la Bible, le Saint-Esprit dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui soient en train d'enseigner. Chaque année, ou chaque trimestre, quelqu'un se vante qu'il a fait 350 000 pasteurs qui enseignent. Vous savez que c'est le serpent qui pond beaucoup des œufs, n'est-ce pas, frère? Vous savez ça, n'est-ce pas? Allez voir comment le python commence à accoucher. Vous voyez comment il peut, piop, ça sort 40 une fois. Piop, deuxième coup, ça fait 45. Un des pics, tu veux rencontrer 45 devant toi comme ça. Un 45, le prochain encore produit sa part. C'est les dénominations, ça, tout simplement. Alors, je pose la question. Mais regardez les gens comme ces bons oiseaux, comme la colombe. Combien d'œufs ça pond? Vous voyez la colombe se promener partout? Faites attention, même ici, en haut, là, 4e étage, vous pouvez voir un serpent qui passe sur le truc là-bas. Les gars sont partout. Bon, ce qu'il veut dire, c'est que l'apôtre Paul André le dit ici, c'est que en réalité, chacun a un appel particulier pour lui. Mais ce qui va ressortir là, c'est qu'en réalité, il a de vouloir enseigner aux gens de comprendre que le fait que chacun ait un appel particulier ne veut pas dire que chacun va en rendre dispersé. Cet appel, ces appels particuliers, les uns les autres, avec des dons, des grâces différentes, ne concourent pas pour se lutter, mais pour travailler en harmonie et dans la cohésion. C'est pour travailler dans la cohésion. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, ça va, vous allez voir cela. Puis il dit ici, car celui qui est appelé, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le verset 7 et 8 mettent une nette différence entre l'enseignement et l'exhortation. Donc l'enseignement n'est pas l'exhortation. Mais lorsque vous entrez dans la Bible, vous allez commencer à voir que prophétie, enseignement, instruction, commandement, exhortation se rencontrent généralement sur des terrains. C'est normal parce que ça vient de la même personne. Ça montre effectivement le point de convergence et la source de la provenance que ça vient de la même personne. C'est pour ça que vous allez avoir, si je prends seulement la Bible, je crois que je vous en avais donné des versets là-bas. Je vous montre ce que la Bible appelle enseignement. Vous serez surpris. Alors, vous prenez la définition de l'enseignement aujourd'hui selon la théologie. On va dire qu'un enseignant, c'est celui qui peut prendre la Bible et décortiquer de A à B. C'est pas ça, frère. Allons voir un exemple d'enseignement. Vous voulez qu'on peut avoir un exemple d'enseignement? Ouvrez Matthieu chapitre 5. Mettez le doigt ici. J'arrive là. Vous y êtes? Amen. Mais vous n'êtes pas content. On arrête. Oh. L'autre commence à dire que. Frère Junior, tu es appelé où? Laisse là, ne cherche pas ta part, tu viens chercher ma part. Frère Junior, tu es même dans quel ministère? On ne te voit pas partout. Tu es partout. Tu es pas où? Moi, je sais où il m'a appelé. Frère Junior, tu es appelé où? Là où je suis appelé. Il m'a déjà dit que celui qui a un ministère s'attache à son ministère. Je me suis attaché. Tu viens me détacher là-bas. Tu cherches quoi sur moi? Cherche ta part. L'autre, aujourd'hui, dit que je te connais. Une fois, dit non, tu m'avais troublé. Quoi que c'était comme ça? Là. Continue à chercher. Donc le temps que tu cherches à me connaître, cherche à connaître ta part. Amen. Verset, chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Je suis dans Matthieu chapitre 5. On lit là rapidement, je reviens. On va revenir sur ces choses-ci. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un dire que non, non, non, non, la femme peut enseigner parce que l'enseignement et l'exhortation, c'est la même chose. Quand la Bible a déjà mis la distinction, ça veut dire que c'est la distinction. Il y a différence entre l'enseignement et l'exhortation. Pour savoir ce que c'est que l'enseignement, il ne faut pas tirer les théories que l'enseignement. Tu dis qu'à l'école, on fait comme ça. Ce n'est pas l'école ici. Ici, c'est l'école de l'esprit. Alors maintenant, il dit ici, chapitre 5, verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approcha de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. » Écoutez maintenant. Donc, ce qui sort, c'est là. Maintenant, regardez. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de ceux est à... » Voilà un enseignement. Il s'est arrêté là. On s'arrête là-bas. Deuxième verset. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Voilà un enseignement, frère. Bon, rentrons dans Romains. Donc, voilà un enseignant. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Il a pris les paroles pour décortiquer, pour vous expliquer ce qu'il allait dire. Il a déclaré, heureux les enseignants, heureux ceux des affligés, heureux ceux qui ont le cœur, quand ils verront Dieu. S'ils sont là-bas, on dit que la Bible déclare qu'il a enseigné. Les gens sont dit que mais l'enseignement a été dit aujourd'hui. Il a dit que... Amen. Mais qu'est-ce que nous, les théologiens, aujourd'hui, nous définissons comme enseignement? Qu'un enseignement, c'est un docteur qui prend dans les écritures pour décortiquer, pour rendre ça que les gens comprennent. Ceux-ci comprenaient. Quand il dit que si quelqu'un ne mange, marche, bon, ça n'a pas envie. Dieu, ces paroles-ci là. Et Dieu, qui peut l'entendre. N'est-ce pas, l'enseignement était trop dur? Est-ce qu'il a des côtés pour qu'il puisse comprendre? Continuons ici, verset 9. Non, je n'ai pas fini le verset 8 là. Et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec liberté. Soulignez, je vais parler. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Maintenant, il y a des gens qui sont poussés plutôt, ils se rendent compte que. Il est plutôt, vous appelez, on appelle ça large. Écoutez très attentivement. Il y a des ministères, je vais vous dire quelque chose, il y a des choses merveilleuses sur le Seigneur. Il y a des gens que avant même d'être dans le corps de Christ, ils connaissaient leur ministère. Les autres aussi, c'est facile. Mais c'est facile pour que Dieu prouve ton cœur. Parce que ce n'est pas facile de donner sans rien recevoir. C'est pour ça que c'est un service de te revenir avec le don spirituel. Si tu n'as pas le don de donner, tu vas donner, tu vas murmurer. Si tu n'as pas le don spirituel pour donner, tu vas murmurer que depuis qu'il donne, quelqu'un m'a déjà donné quoi ici. À cet instant, tu as annulé tout ce que tu as donné. On arrive là-dessus, d'accord? Ça veut dire que c'est déjà l'enseignement, ça chasse les gens. Maintenant, avançons ici. Mais c'est un don. Regardez. Que celui qui donne le fasse avec. Vous avez vu ça, frère? Donc, il y a des gens que Dieu a disposés dans le corps. Écoutez bien, dans le corps, ça veut dire qu'il va les bénir pour qu'ils bénissent les autres. Alors maintenant, voici quelqu'un qui, son rôle, c'est l'enseignement. Il va recevoir de Dieu, il enseigne, tu dis, merde, comment ça se fait comme ça là? Toi, si tu veux, tu laisses l'enseignement, tu dis que merde, l'autre frère là est riche, quand il touche n'importe quoi, il est béni. Il fait quoi ça? Il a pris un pain l'autre jour, maintenant il a 40 pains. Non, il doit faire comme lui, va sur le même pain, dans la même personne, va dans le même client. Tu présentes chez le client, on se dit que non. Quelqu'un va dire que non, j'ai mon salaire, c'est pas sur moi, c'est lui, vient, on prend. Parce que lui, il a un don dans le corps de Christ, il doit donner. Et Dieu doit ouvrir les portes pour qu'il puisse donner. Donc il faut toi, il reste dans l'enseignement. C'est pour ça qu'on ne devait pas imiter, frère. Vous devez savoir quelle est votre position. Amen. C'est parce que vous comprenez. Amen. Alors même si toi tu vas vendre comme lui, tu vends. Quand il va venir donner, dis-moi. Le gars, si, il lui donne pourquoi. Il sait comment il marche sous le soleil. Alors que l'autre marche sous le soleil, il est content de donner. Parce qu'il y a un don spirituel derrière. Amen. C'est parce que vous comprenez. Amen. Il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc il ne doit pas être aigri en donnant. C'est ce que la libéralité. Que celui qui préside le fasse avec. Que celui qui pratique la miséricorde le pratique avec. Donc on va venir sur la pratique. C'est quoi pratiquer la miséricorde? Donc vous voyez, il y a un ministère de miséricorde. Vous avez vu une église qu'on a écrit comme ça, ministère de miséricorde? Quand ils disent miséricorde, maintenant on dit c'est miséricorde de Dieu. Que celui qui fait miséricorde. Alors que ici c'est long. Vous avez vu un endroit où on a écrit ministère des dons et des libéralités? On ne peut pas faire parce que c'est que tout le monde viendra là-bas pour reprendre. C'est pas ça, frère. Mais c'est qu'on a dit pour avoir l'alliance, c'est le ministère des prophéties, guérison, délivrance. Mais n'est-ce pas curieux qu'on puisse écrire là-bas le ministère des prophéties, de guérison? On ne met pas tous les ministères. Parce qu'en réalité, derrière cela se cache la source, la soif pour avoir de l'argent. Parce que s'ils écrivent ministère des libéralités et des dons, ça veut dire qu'ils ont reçu la grâce de Dieu pour distribuer des vivres. Hein, vous avez vu une église comme ça, hein? Je veux que vous me donnez le nom d'une église comme ça. Même moi, je vais partirai là-bas. Parce que j'ai des besoins. Vous riez parce qu'il n'y a pas de besoin. J'ai des besoins, mais c'est à qui les soumettre. Regardez, j'en ai dit ici. Vous allez ici, on dit, église, réveillez-vous. Vous entrez pauvre, vous sortez riche. Ici, jusqu'à guérir, sauve toutes les maladies. C'est pas ça? Vous avez déjà vu une église qu'on a écrit, église où on entre, on te donne tout le bien. Alors ici, on dit qu'il y a un ministère des libertés, des dons, de données. Donc, ça veut dire que les pasteurs de cette église doivent s'asseoir. Tu viens. J'ai pris le nom de 30 000, ils sont là, ils donnent. C'est Dieu qui a dit qu'il donne ça. Sans... Allez voir un pasteur qui est assez grave. Personne n'est pas le pasteur, n'a l'autre ici. Mais le pasteur dit plutôt que vous venez donner ici. Pas vrai, frère? Donc, il y a l'handicap. Mais maintenant, prenez ces choses, qu'on va y revenir dans la sixième partie, peut-être. On va prendre ça, on va les construire doucement, doucement. Doucement, doucement. On va prendre les gens en mettant ici, en attribuant à chacun une fonction. En attribuant. Il dit que ce sera un scénario pour que vous saisissiez comment le corps fonctionnera en harmonie. On va prendre une personne dans toutes les grâces qu'on a nommées ici, en attribuant cela. Et que on va expliquer en voyant que chaque personne a commencé, vous allez voir comment tout va marcher en harmonie. Le simple fait qu'il n'y a pas le ministère des données avec liberté, fait le temps que le pasteur oublie déjà à donner sans libéralité. Et ils disent maintenant que c'est pour soutenir leur ministre. On a dit quelque part ici qu'un ministère soutient un autre. Vous avez vu ça dans votre Bible, quel ministère soutient un autre? Souvenez-vous, s'il y a un don et un appel, tout ce qui se trouve autour de ce don-là et ces grâces-là sont prédestinées. Tout. On avance. Vous avez vu quelque part où Jésus allait prêcher à dire en femme de Susan. Lisons Luc chapitre 8. Attends. Luc chapitre 8, là. J'en ai parlé, là. Regardez. Je vous pose une question simple. Écoutez très attentivement. L'argent que Ananias est venu à l'église avec, là, quand il est mort, là, on a enterré avec l'argent, là. Non. C'est resté où? Luc chapitre 8. Lisons ici Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Vous croyez que quand il est mort, là, l'argent ne doit pas être utilisé. Luc chapitre 8, ici, là. Si vous ne voulez pas sonder l'église, je vais vous faire lire de la Bible. Luc chapitre 8. Vous y êtes? Ensuite, Jésus allait de ville, ce verset 1 du chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Qui l'assistait de leur... Yeah. Vous avez vu un jour, le Seigneur Jésus leur a demandé cela. La question c'est, qu'est-ce qui les pousse à ce que Jésus va devenir en village? Ils sont derrière pour pouvoir. Je veux que vous compreniez. Qu'est-ce qui poussait ces gens-ci à soutenir? Le don qu'elles avaient reçu. Ils avaient reçu quelque chose de Dieu. Jésus n'a pas dit que venez me soutenir, comme je vous ai délivré, vous savez. D'autres personnes, les chasseurs, mais les gens étaient derrière lui. Alors, on dit que même la femme de l'intendant d'Hérode, vous savez qui est Hérode, frère? Celui qui a remplacé, celui qui a tué les enfants à sa naissance. Sa femme était derrière Jésus. Hérode de Tétraque, sa femme était derrière Jésus et soutenait les biens. Intendant. Intendant, c'est l'Europe, pour vous comprendre. Intendant, ça veut dire quoi aujourd'hui, frère? Ministère de l'économie. De finances. Donc, la femme du ministre, non, c'est du ministre de l'Hérode, sa femme, le ministre de l'économie et finances était là. C'est pour dire quoi? Si Jésus avait besoin d'argent, il a converti celle-là pour que tu, l'argent que tu as là, tu vas soutenir le ministère. Oui, mais il n'a pas de prédication à bombarder l'argent pour qu'il dise qui va s'occuper de climatisation du pasteur, qui va soutenir de sa voiture, vous prenez les engagements, après il dit que quand tu as levé la main, Dieu a vu l'ange, a attrapé ta main. Là, n'a pas attrapé ta main, il t'effraie seulement. Amen. Si tu donnes ton cœur, ne veux pas donner, quitte là-bas. Le genre d'engagement, si vous n'avez pas pris ça devant Dieu, on vous a forcé. Amen. Vous comprenez ça? C'est un peu comme le mariage forcé, qu'on force une fille que signe ici. Quand tu signes ça, ce n'est pas valide. C'est l'acte de mariage, mais ce n'est pas valide parce que c'est fait hors de ton consentement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'au tribunal, il peut y avoir des circonstances atténuantes pour quelqu'un qui n'est pas tué. Parce que par suite des menaces terroristes, on a mis par exemple quelqu'un en prison, on a pris ta grand-mère en prison, on a dit, ou bien ta maman ou ta femme, en disant que tu dois déclencher telle bombe. On t'attrape là-bas, on va te juger en tant qu'acte terroriste participant. Mais il peut y avoir des circonstances atténuantes parce que tu étais sous la menace. Si ce n'était pas la menace, tu n'aurais pas fait de telles choses-là, n'est-ce pas? Alors, de la même façon, si vous mettez votre signature en disant que je veux me marier, alors qu'on t'a forcé, ça, ce n'est pas valide. D'abord, même pour les hommes, ce n'est pas d'abord valide. Parce qu'on dit qu'aucun mariage ne peut être validé sur la base de la force. C'est écrit. Ça, c'est chez les hommes, ça. Alors, chez Dieu, combien plus? Alors, par conséquent, si vous forcez seulement les gens à donner de l'argent, que donner plus le ministère, ça ne sera pas ça. Vous allez le faire qu'on soutient votre entreprise. Vous avez soif que votre entreprise s'élève pour vous comparer aux autres personnes. Ceux qui sont appelés, si Dieu t'a appelé, t'a donné la grâce. Si c'est le moment de rester sur place, vous allez rester sur place. Si c'est le moment de partir, vous allez partir. Si les gens, ils disent à quelqu'un de faire, il ne fait pas. Dieu va le pousser, il va faire. Qui a amené Paul à Rome pour qu'il prêche l'évangile? Un frère. Il dit, qui a amené Paul à Rome pour qu'il prêche l'évangile? C'est pas Satan qui l'a amené là-bas. C'est Satan qui est allé amener pour qu'il part pour témoigner contre les ténèbres là-bas. Si Satan savait que Paul arrivait à Rome, devait dissiper les ténèbres, il ne devait même pas le faire partir. Dieu reste comme ça, il dit qu'autour du peuple, personne ne donne l'argent. Il dit que prenez-le. Quand c'est un roi qui te prend, on te met en prison. Tu es calme là-bas, non? Si il y a des événements dehors, on te protège. Parce que tu es un prisonnier. Quand on le protège maintenant, il faut qu'on trouve sa nourriture. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui avaient l'argent. Donc eux, ils nourrissaient Paul. Il profitait, il bombardait l'évangile et au roi, bombardait ici. Parce que c'était le but. Il a dit que tu vas témoigner devant les. Voilà. C'est pas que tu vas au roi, tu vas faire un camp pour venir. Parce que si tu fais un camp pour venir, il va dire que je suis occupé. Donc il faut que ce soit eux qui t'occupent. Où est-ce là? Dieu n'a pas dit dans son appel que tu iras en prison. Il a dit que tu vas souffrir à mon nom. Il n'a pas dit comment il devait souffrir. Alors il dit que, ok, maintenant, un de ces jours, le Saint-Esprit passe par sa voix. Il dit qu'il faut que je voie aussi Rome. Comment il va aller à Rome? Dieu dit, ne t'inquiète pas, je vais te faire arriver à Rome. Amen. Alors il se tient là. On l'appelle, on l'accuse, il dit, j'en appelle à César. Quand tu appelles à César, tu dois aller à... Vous avez vu, il a payé un 5 francs dedans. Donc c'est comme ça, Dieu. C'est comme ça. Satan crée souvent les troubles. Regarde par exemple, supposons qu'il y a des évangélistes ici, là, que Dieu veut utiliser au Tchad. Il dit, le Tchad est dans les ténèbres. Il faut que la lumière vienne là-bas. Il crée le trouble au Cameroun. Il crée le trouble. Tu es vers la frontière, tu dis que gars, le seul refuge le plus proche aussi. Tu dis que c'est au Tchad. Tu pars au Tchad, tu crois que tu as fui la guerre au Cameroun. C'est pas la guerre que tu as. C'est les ténèbres qui sont en train de t'attirer là-bas pour que tu vas aller annoncer. Mais Dieu ne te dit pas que c'est à cause de ça. Donc il crée des bouleversements ici pour t'envoyer de l'autre côté là-bas. C'est comme ça que Dieu agit. Non, maintenant, aujourd'hui, on va voyager en première classe. Donc, les chrétiens ont commencé, ceux qui se disent serviteurs, ont commencé à se comparer le mondain. Comment les ministres mondains entrent en première classe? Moi aussi, je vais voyager en première classe. Vous n'allez pas voir cette pensée orgueilleuse là dans le cœur des apôtres. Vous n'allez pas voir. Le cœur des apôtres de mon Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas cela. Si on les tape seulement, on les pose seulement sur les cheveux comme moi, ils entrent là-bas, ils se mettent debout, on dit que c'est comment. Ils disent que le Dieu qui a fait le ciel et la terre ne vit pas le temple, fait des mains d'hommes. Mais ils prêchent l'évangile, frère. Amen. Amen. Continuons ici. Donc on va voir cela. On va voir cela dans la prochaine partie. On va prendre ces gens-ci. Tout ce qu'on a dit, c'est dans Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 à 30, on va voir tout cela. Maintenant, regardez, verset 9 dit, on y va, que la charité soit sans hypocrisie. Oui, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Frère, c'est un commandement. Amen. Donc, tout ce qui tourne autour de toi, la première question c'est, est-ce mal? Si c'est un mal, ayez ça en abomination. Amen. Toute action, toute pensée, toute chose que tu veux poser, pose-toi la question, est-ce mal? Ce qu'il veut faire. Si c'est mal, ayez ça en abo. Puis il dit, par amour, non mais il dit, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Comment on doit servir le Seigneur sans savoir si à quoi on a été appelé à servir. Si vous sortez de la maison, il dit que descendez là-bas, vous allez faire ce que je vous ai dit. La première question, c'est que je descends faire quoi? C'est automatique, pas vrai? Mais pourquoi dans le corps de Christ, on ne pose pas cette question jusqu'à ce qu'on ait la réponse? On vous envoie dans la chambre, avant l'accusement, prends ça, tu apportes. Tu vas à la cuisine, tu vas ressortir directement, tu dis qu'ils prennent quoi? On va vous désigner ce que vous devez prendre. C'est ainsi dans le corps. On doit savoir ce à quoi on a été appelé. On doit savoir. L'appel dans le corps ne doit pas être imité. L'appel dans le corps ne doit pas être imité. La fonction dans le corps ne doit pas être imitée. Chaque personne a sa fonction. Si tu n'as pas été appelé à une tâche, si tu n'as pas fait cette tâche, tu tentes Dieu, tu es sous la coupe de Satan. Je recommence encore pour vous saisir. Il parle des chrétiens. Si tu vas faire une tâche que Dieu ne t'a pas montrée, ou Dieu ne t'a pas appelé, tu comptes sur tes propres forces là-bas. Et tu, dans ce cas, tu es entré dans la tentation de Satan. Au lieu que Satan te tente, c'est toi qui en as tenté Satan. Et par conséquent, Dieu te laisse à tes forces. C'est pour ça qu'il parlait la dernière fois que si tu dis au nom de Jésus-Christ de prévoir quelqu'un, tu dis que sors de son corps sans que tu n'aies été ordonné par Dieu pour le faire. Tu es sur le territoire de l'ennemi. Si cet esprit qui donne le diabète, il peut, devant le Seigneur, te donner le diabète dans ses pleins droits. Souvent, nous travaillons dans un territoire de droit. Vous devez avoir un droit pour expulser un corps. Ce droit-là, c'est le mandat qu'il donne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce mandat-là, il dit qu'à l'un, il délègue un mandat par rapport au don de puissance. À l'autre, par le nom de Jésus-Christ, il prêche dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on a dit, ne vous avez pas interdit, nous avons interdit de parler en ce nom-là. Donc, ils enseignent au nom de Jésus-Christ parce que le mandat avait été donné. Allez et faites des nations des disciples. En allant, tu peux faire des nations aux disciples. La même voix encore dit, je vous ai donné le pouvoir. La même voix donne le pouvoir. La même voix donne l'ordre d'enseigner. La même voix dit que tenez-vous ici. La même voix dit que allez. La même voix. Il faut que la voix t'ait dit de faire quelque chose. Ça ne t'est pas dit, quittez là-bas. Même si vous voyez, c'est mal fait. Ce n'est pas ton église. Il n'a pas dit, aide-moi à bâtir mon église. Il n'a pas demandé l'aide à quel. Si quelqu'un dit que j'ai conçu mon église, tu veux venir gâter mon église que j'ai construite. Après, il dit, hey, l'œuvre de Dieu dans ma vie. Que Dieu vous bénisse.